tous, vous êtes bien sûr le podcast Youngtis numéro 1 spécial consacré à l'Euro 2016. Ici Oshi, une fois n'est pas coutume pour animer le podcast. Plein de monde aujourd'hui pour m'accompagner tout au long du podcast. Avec moi il y aura Matt, salut Matt. Salut. Il y aura Max, salut Max. Salut. On aura Sativa, salut Sativa. Salut. Et on aura Rorschach, salut Rorschach. Salut à tous. Donc on va faire un rapide tour d'horizon de la première journée qui s'est clos hier, au moment en tout cas où on enregistre. On parlera du coup pas du premier match qui a été joué aujourd'hui et qui a un peu secoué les foules. On va attaquer assez rapidement en fait avec le groupe A, avec le groupe de la France, qui a donc battu la Roumanie de 2-1 en match d'ouverture. Un but de Giroud, un but de Payet en fin de match pour la victoire, et c'était Bogdan Stanku qui avait égalisé à la 65e. Il y a aussi le lendemain Albanie-Suisse, avec une victoire 1-0 de la Suisse sur un but de Fabian Schär. Globalement, qu'est-ce que vous avez pensé du match de la France ? Je commence. plutôt compliqué, personnellement. Alors oui, on gagne, mais voilà, on a senti clairement que c'était la compétition et que c'était mis de la pression, et ça a été quand même compliqué. Heureusement que Payet nous fait un but clairement venu d'ailleurs, parce que sinon... Bien parti pour faire match nul, voir pourquoi pas perdre, parce qu'au début de match, ça a été chaud aussi. Ça a été chaud. Bon, après, il y a quand même eu peu d'occasions pour les Roumains, et bon, Lloris a sorti vraiment l'occasion qu'il fallait. Et la France a quand même largement dominé et eu le ballon quand même tout le long du match. Ça a plus été brouillon qu'autre chose, quoi. Clairement, moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de pression, hein, qu'ils étaient très très très tendus. On n'a pas eu tant d'occasions que ça non plus. C'est un match qui aurait pu vite tourner. Si on prend le but à la 4e minute, je pense que ça peut vite tourner à la catastrophe. On s'en sort bien. Moi, je me trouve un peu pessimiste parce que bon, voilà, les Roumains, ils ont eu une grosse occasion. S'ils marquent le but, c'était la 4e minute. Je pense que derrière, il y a largement le temps de revenir. On peut aussi se dire que... Est-ce qu'au contraire, justement, ça aurait pas ce que tout le monde, ouais. Voilà. Est-ce que le fait de nous avoir, d'avoir encaissé un but, ça nous aurait pas justement enlevé cette pression et de se dire, bon, bah, on a plus le choix, faut que je gagne plus, on y va, quoi. Et à l'inverse, j'allais dire aussi, faut voir le côté positif. On a gagné en étant plutôt mauvais. Donc, c'est déjà bien, malgré tout. Parce que on sait qu'on peut être bien meilleur parce qu'on a été, lors de ce match-là. Et puis après, malgré tout, alors on parlera des autres équipes après, mais à part avec l'Italie, voilà, il n'y a aucune équipe qui a été non plus, qui a réussi son entrée d'une manière incroyable. On s'est dit, voilà, ils sont forts, voilà. Donc je pense qu'on n'est pas non plus, voilà, on a eu du mal à rentrer dedans. Aujourd'hui, je pense que, parce que c'est ce soir le match contre l'Albanie, je sais pas quand le podcast va sortir, donc voilà. Mais aujourd'hui, je pense que ce sera la même chose, ça va être un peu tendu. Faut pas oublier aussi qu'en ouverture, on a des équipes qui jouent un petit peu leur euro contre nous, c'est toujours la même chose. Bien sûr, ouais. Est-ce qu'on peut pas s'attendre à justement voir une France un peu plus détendue ce soir pour le deuxième match, après justement avoir passé un premier match un peu avec de la pression pour l'entrée? Ça s'est quand même bien passé au final, ça a bien fini, ils sont peut-être un peu plus à l'aise, ont déjà 3 points. L'Albanie, ça va pouvoir le faire, et au pire, si ça le fait pas, la Suisse aura toujours un troisième match, en tout cas pour aller se qualifier. Est-ce que ce soir, il risque pas plus d'être un peu plus détendu? C'est sûr que ça va mieux se passer que si on avait fait match nul, voire pire perdu, mais donc je pense qu'effectivement le premier match passé, je pense que ça peut être. Il y a des joueurs qui voudront se montrer parce que on annonce que Pogba et Griezmann seront remplaçants, donc les mecs qui vont rentrer à la place, ils voudront donner le maximum pour gagner des points aussi pour la suite. Mm-hmm. Après ça c'est ce qu'on annonce, mais avec Deschamps il faut toujours se méfier. Hein. C'est des fois. Il est capable, c'est l'Albanie, ça reste quand même l'équipe la plus faible du groupe, en tout cas si la Roumanie est pas plus faible, c'est peut-être le moment justement, oui, pour peut-être secouer un petit peu les cadres de... J'ai sorti la Suisse en deuxième match, peut-être qu'il aurait peut-être pas tenté de mettre Pogba ou Griezmann sur le banc, là c'est peut-être le moment, je pense, pour les faire réfléchir, puis ils sont quand même plus ou moins quand même bien placés pour se qualifier. Oui, mais comme tu dis, l'excuse elle est toute trouvée, on veut les protéger pour le match contre la Suisse, quoi. Ça permet d'éviter des polémiques inutiles. Oh là là, il met un tel sur le banc, il va s'en sortir comme ça, quoi. Oui. Même si je pense qu'au joueur, le message est quand même, il est passé, quoi. Pogba, je t'ai mis sur le banc parce que tu n'as pas été bon, voilà. Et en même temps, ça permet d'éviter les polémiques en conférence de presse, quoi. Moi, je trouve ça dommage pour Griezmann surtout, même pour Pogba qui a beaucoup tenté, qui a pas été bon du tout, mais qui a beaucoup tenté. Griezmann, il passe à 2 doigts, 2-3 fois de planter un but, il touche le poteau. Il a pas fait un bon match, hein, globalement. Mais il a pas fait non plus un mauvais match, on va dire qu'il a été. Voilà. On était quand même plus habitué à le voir assez en forme ces derniers mois, et c'est un petit peu décevant du coup de le voir à ce final. Il a quand même été assez, invisible, quoi. Mais sans être mauvais non plus, qu'il nous a habitué. Ouais. Non, voilà. Le mettre sur le banc, c'est pas plus mal non plus. Il a une grosse saison dans les jambes, l'Atlético, donc ouais. Faut quand même le ménager. Clairement. Ouais, je pense vraiment que c'est pas la même situation pour les deux joueurs. Je pense que pour Pogba, c'est plus, entre guillemets, une sanction de lui dire, voilà, ça m'a pas convaincu, je te mets sur le banc sur un match. Pour Griezmann, je pense que c'est vraiment plus le truc de dire, t'es arrivé tard, t'es arrivé fatigué, on va essayer de te retaper, souffle, et voilà. Bah, ils ont pas fait le même match, hein, tous les deux. Ils ont pas été efficaces, mais ils ont quand même pas fait le même match. Pogba, j'ai quand même trouvé très en dedans, j'ai trouvé pas à l'aise, pas forcément, il manquait de repères, j'ai l'impression, par rapport à sa situation, par rapport à ses coéquipiers, on l'a vu s'agacer à l'heure de jeu, au contraire d'un Griezmann qui peut-être, oui, a été un peu invisible, mais oui, effectivement, a quand même tapé le poteau, a quand même été un peu remué. Après, Pogba n'a pas non plus complètement été nul, il a aussi tenté. Il est bien placé pour faire une demi-volée aussi, malgré qu'il met sur le gardien. Il n'a pas tant plus été catastrophique, mais c'est pareil. En fait, là, je pense qu'on cible beaucoup ces deux joueurs-là parce qu'ils sortent quand même tous les deux d'une grande saison et que c'est quand même peut-être les deux actuellement meilleurs joueurs de l'équipe de France, en tout cas sur le papier. Peut-être qu'on est peut-être un peu dur avec eux, effectivement, parce qu'on attend peut-être beaucoup plus d'eux, en fait. Ouais. Après, il faut, c'est vrai qu'on, enfin, avant l'Euro, on parlait quasiment que d'eux, quoi. T'as l'impression qu'il y avait deux joueurs sélectionnés, quoi. Et bizarrement, c'est ceux dont on parlait pas du tout, qu'on était bons sur ce match-là. Kanté et Payet, on en parlait quasiment pas. Quand même. On les attendait. Beaucoup moins les deux autres. Moins, forcément. Bah, parce qu'ils jouent pas dans les mêmes clubs non plus. Non, mais c'est sûr. Mais, Kanté a quand même été champion d'Angleterre aussi. C'est vrai, mais ça reste Leicester. Ouais. Et voilà. Et puis Payet a été, il met un but de, c'est, Oui. Il les a au moment, d'ailleurs. Ouais, bah ouais, plus tard, c'était trop tard. C'est ça. Globalement. Au niveau de la défense, qu'on attendait vraiment, J'allais dire juste un dernier mot sur le milieu attaque. Vas-y. Moi, j'étais au stade ce jour-là. Alors, c'est pas toujours les mêmes ressentis quand on y est. Mais vraiment, on a l'impression que, hormis Payet, c'est malgré tout le milieu et tout l'attaque qui sont un peu passés à côté, quoi. Matuidi, Giroud s'en sort mal au final, quand même. Oui, Giroud, c'est vrai, oui, t'as raison. Mais Matuidi, tu sors du mal, mais c'est moi aussi. Mais vraiment Casper, quoi. Je l'ai pas vu. Bah, c'est quand même pas mal débattu, un peu dans le vide, mais c'est quand même pas mal débattu. Ouais, mais ce qui est gênant que Mathieu dit, c'est que déjà de base il sort jamais, mais si même quand il est mauvais il sort pas, c'est un des mecs qui joue plus en Europe depuis 3 ans, quoi. Il y a un moment, enfin, peut-être falloir le reposer un peu. Ouais, c'est pas faux, ouais. C'est vrai. En ce qui concerne la défense, du coup, c'était un peu censé être un peu la, non, mais voilà, c'est censé être un peu la, le point faible de l'équipe, avec les blessures, avec les suspensions, avec un peu tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Est-ce que ça a vraiment été tant un problème que ça, la défense, sur ce match-là? Moi, pour moi, ouais, complètement. On sent déjà qu'il y a des lacunes énormes, qu'il peut y avoir des failles très rapidement. C'était que contre la Roumanie qui a passé une bonne partie de son match à jouer derrière. Mmh. Et même en faisant ça, on les a sentis dépasser sur 3-4 actions. Evra, que moi j'attendais comme... Evra a vraiment été mauvais, effectivement. Pourtant, je soutiens toujours, mais... Moi aussi, voilà. Il a vraiment été mauvais. Ouais. Voilà, c'est quelqu'un que moi, pour moi, il a l'expérience, il doit apporter. Et sur ce match-là, ça a été l'un des plus mauvais, si ce n'est le plus mauvais. Je pense que c'est le plus mauvais, parce que il a coûté un but à l'équipe quand même, donc oui, ça a été le plus mauvais. Ouais, mais outre le penalty, il a été dépassé 3 ou 4 fois sur son côté. Même Sagna, qui pour moi défensivement est quand même vraiment vraiment limité, a pas tant été dépassé. Non, ça va, ça en est bien sorti. Ouais. Bah, Evra, c'est pas pour rien que les Roumains ont toujours attaqué de son côté. C'est pas faux. C'est fait bouffer, mais à chaque fois. Quoi. Est-ce qu'il attend du titulaire Evra ce soir? Oui. Ouais. Okay. Ouais. De toute façon, voilà, il n'y a pas de concurrence non plus derrière, on a mis Lucadis. Voilà. C'est ça. Ouais, je vais plus vite, quoi, Lucadis. Après, Evra, c'est plus, je pense pas qu'il joue pour son niveau. Il joue parce que c'est le relais de Deschamps, parce que c'est lui le vrai capitaine de l'équipe. Ouais. C'est pour ça qu'il est là et qu'il ne le change pas. De toute façon, Evra, tant que Deschamps sera là et que Evra aura pas pris sa retraite internationale, faut se dire que clairement, il sera vraiment beaucoup à chaque fois. Non, mais je pense pas forcément, pas forcément. C'est sûr, un mois. Ouais, je pense qu'il va annoncer sa retraite, voilà. Là, pour moi, c'est clair, Après, il peut aussi passer une mauvaise passe sur la Roumanie, parce qu'il a quand même pas été si pitoyable en plus cette saison avec la Juve. Et, au contraire. Et, peut-être qu'il a juste passé une mauvaise passe sur ce match-là, un peu à l'image d'un peu tout le monde, à être un peu de pression. Peut-être que, il va peut-être montrer un bien meilleur visage ce soir. Contre l'Albanie, c'est peut-être le moment, en tout cas. Si ouais. Peut-être. Général, vous savez que contre l'Albanie, on reste sur un nul et une défaite. Ça va pas être facile. J'allais dire juste sur la défense, moi je suis un peu comme Carrefour, j'optimisme. Parce que malgré tout, quand tu les prends un par un sur le papier, c'est pas détanche. Et voilà, par rapport à la Roumanie, par rapport à l'Albanie, notre défense, voilà. Et je trouve qu'on a tendance à un petit peu trop se focaliser là-dessus, de se dire on va se faire violer. Il faut essayer de leur faire confiance. J'entendais l'autre fois, comment il s'appelle, j'ai oublié, monsieur Leroux, non pas Leroux, le monsieur qui avait entraîné le Congo, qui était commentateur sur Canal, un entraîneur. Je crois qu'il s'appelle. Oui. Enfin, bref. Et il disait, vous savez, si on prend sur la saison, on sait pas Varane qu'on doit prendre, c'est pas Sakho. Adil Rami a fait une meilleure saison que Varane ouais. ou que Sakho par exemple. Bah après il faut arrêter de s'alarmer, faut arrêter. On va dire moi je suis pas moi Adil Rami, je suis pas non plein ses détracteurs, je trouve qu'il va on va dire qu'il compense ses lacunes techniques dans de l'engagement pur. C'est-à-dire que dans l'engagement, il est quand même là, il a quand même fait 2-3 bonnes actions même s'il a pas été super rassurant. Il a fait 2-3 bonnes actions où il est allé vraiment à l'envie au forceps pour récupérer et sortir 2-3 ballons chauds. Pour moi, ça reste un bon défenseur. Il faut vraiment juste, par contre, qu'il soit vraiment dans une charnière où il va être complémentaire avec un mec qui aura plus d'intelligence de jeu, une meilleure relance et un meilleur sens du placement. Parce que Rami, c'est pas non plus toujours une grosse intelligence de jeu. Il faut qu'il y ait une charnière complémentaire s'il doit être titulaire. Koscielny, ça s'est quand même pas trop mal passé, mais ça a quand même tâtonné un petit peu, sans être plus alarmant. Mais c'est vrai que c'était que la Roumanie. Ça ira contre l'Albanie, ça devrait aller contre la Suisse. Si on commence à taper des gros en huitième, ça va commencer à faire bizarre. Ouais. Si ça se remet pas un peu. Hein. Ouais, sérieux, je pense. Faut quand même dire que Rami au départ il est quand même pas là pour l'Euro. C'est une défense qui a pas joué, ont quasiment pas joué ensemble. Je crois qu'ils ont joué 2-3 matchs ensemble, mais ça remonte à loin puisque Rami est plus sélectionné depuis 2013. Donc ça remonte aussi. Voilà, c'est faut aussi qu'ils trouvent des automatismes tous les deux. Quoi. Après voilà, là je suis d'accord, j'ai peur sur les automatismes, mais sur le niveau en lui-même, on n'est pas plus ridicule qu'au moins 18 ou 19 équipes sur les 24 quoi. Ouais. Mais voilà, après effectivement les automatismes, il y en a aucun. Et je sais plus c'est qui, pareil, au début de match, il y a une erreur, parce qu'en fait, Koscielny a tellement peur de Rami qu'il vient le couvrir, et du coup, ça fait un trou de côté. Mais oui, alors qu'il faut pas... Ils font pas confiance. Mais bon, ça, ils ont quand même le temps de bosser un petit peu, je pense. Oui, pour l'instant. De toute façon, le programme, il a été fait pour que la France arrive en demi-finale sans avoir un seul adversaire sérieux, normalement. Donc, ouais. Non, mais c'est vrai, en plus. C'est quasiment ça, ouais. On va avancer un peu sur les autres matchs et les autres groupes, parce qu'on va essayer de faire un podcast un petit peu court. Le deuxième match du coup du groupe, c'était Suisse-Albanie, que les Suisses ont remporté 1-0, le minimum syndical avec un but assez tôt dans le match, une tête de Fabian Schär sur un corner de Shaqiri. Logique, la Suisse a quand même montré, je les ai trouvés pas extraordinaires, mais relativement solides quand même. Logique. Ils ont eu chaud quand même. Ouais, ils étaient en supériorité numérique et à la fin, parce que Loris Sana prend un rouge, et à la fin, l'Albanais il a une action, il est tout seul quoi. Vraiment, oui. Le match nul, il aurait même pas été volé. Hein. Après, ils ont quand même dominé le match, en possession et en occasion. Mais bon, en supériorité, on était heureusement. Ils se sont fait des sacrés frayeurs hein, quand même les Suisses sur ce match. Je suis pas convaincu par l'attaque, par la défense. Il y a des c'est fébrile quand même. Oui, c'est fébrile. Là, ouais. Mais ça manque de qualité, hein. Ça manque d'un gros leader. Ça manque vraiment de. Ça fait peur. Hein. Ils ont de la chance que Berisha il se foire sur sa sortie et que Sana il prend un rouge, quoi. Parce que sinon, l'Albanie, elle peut prendre le match nul. Hein. Surtout qu'elle en a eu l'occasion. À la 88, je crois, il y a un contre un. Parce que Sommer, il fait un match énorme. Hein. Ils ont de la chance. Hein. Après c'est valable aussi pour Berisha qui outre sa boulette a fait un nombre d'arrêts assez exceptionnel, il en a fait au moins 3-4. Oui. J'ai pas trouvé la Suisse, enfin pour moi c'est une équipe qui reste faible hein. On a un groupe vraiment très très faible, c'est là où on s'en rend compte. Mais sur ce match, ils étaient à 11 contre 10, ils ont plutôt pas trop mal géré, ils se sont fait des frayeurs, mais voilà, ça peut faire 2-3-0 à la 60e et c'est bon. Si Berisha sort pas un match énorme derrière, c'est claqué, c'est fini, on remballe quoi. Est-ce qu'ils vont être deuxième par défaut les Suisses du groupe? Parce qu'il y a vraiment manque de qualité en Albanie. Bah, pour le coup, le match qui sera compliqué peut être intéressant finalement. Bah, le oui. Roumanie et Albanie parce que si les Roumains, les Roumains en quoi jouer, même s'ils ont vraiment pas existé contre la France, il y a Ramfar qui se réveille si jamais ils veulent. Le truc c'est par défaut de toujours la Suisse, ça va pas être une grosse attaque. C'est plutôt une équipe qui défend bien et la Roumanie c'était la meilleure défense des qualifications. Donc en gros, chiant. Ça sent le fond 0-0. Carrément. Ouais. Ouais. Ok, pour le groupe A, du coup, au point où on est avec la France et la Suisse premier avec 3 points. Ouais, dis-moi. Et non, j'allais dire chacun, c'est quoi vos pronostics pour les deux matchs qui arrivent? Qu'on passe pour des nuls quand même. En fait. moi, je vois, ce soir la France, forcément, hein, Cocorico. Je dirais un 2-0, mais des buts assez tardifs. Je pense qu'on va avoir du mal à trouver la faille. Ensuite. Moi, je vois. Je pars sur un 2-1 pour la France parce que Evra il va avoir Issage en face de lui et je pense qu'il va prendre défensivement il va avoir du mal. Moi je vais dire 2-0 aussi. Clairement voilà, je pense que on a clairement l'équipe est clairement supérieure, que ce soit individuellement ou collectivement, donc je pense que ouais. Moi j'ai un bon 3-1 moi, pour la France. J'ai un bon 3-1 parce que je pense que tu m'as volé mon idée. Ah voilà. Je les vois peut-être prendre un but, effectivement, c'est même pas sûr, mais je les vois quand même prendre un but sur pas une forcément une erreur défensive, mais sur les coups de pied arrêtés, c'est quand même pas super solide. Donc je vais peut-être prendre un but sur coup de pied arrêté. Mais derrière, je vois quand même planté. Il faut qu'il y ait un regain de confiance. J'ai quand même confiance dans cette équipe. Il faut vraiment qu'il y ait un regain de confiance et que ce soit ce soir qu'ils assoient vraiment le fait qu'ils sont favoris de la compétition. Après, ils peuvent, hein, parce que bon, Sama est plus là et le coéquipier Mavraj, il s'est fait prendre à revers plusieurs fois par Seferovic, qui a fait un match pourri, mais il a quand même réussi à se faire prendre par un revers quand même. Donc, clairement. Après, moi, j'allais dire, je vois un 3-1, mais pas un bon 3-1. Dans le sens où on mène à 0, ils reviennent à 1-1. 2-1, vraiment match tendu et on marque le 3-1 vraiment dans les arrêts de jeu, ou voilà, quoi. quand l'Albanie attaque pour revenir. Je vois plus un match comme ça va être encore un match serré. Et malgré tout, malgré que je suis pas inquiet parce que voilà, je pense qu'on a le temps entre les huitièmes et les quarts pour se réveiller, quoi. Et voilà, mais en plus, j'allais dire, c'est pas les mêmes préparations physiques. Je pense que la France est faite pour arriver au sommet dans une quinzaine de jours, alors que l'Albanie et la Roumanie sont faits pour être au taquet maintenant. Quoi, donc. Exactement, ouais. Et c'est vrai. Et à votre pronostic sur le grand Suisse-Albanie qui 0-0. Pas Suisse-Albanie, Roumanie. Roumanie. Suisse. Voilà. 0-0. 1-0 pour les Suisses à l'arrache. Moi, je vois la Roumanie. Tiens, je vais prendre un risque. Je vais dire que la Roumanie va faire un petit exploit, un petit 1-0, bien dégueulasse, bien des familles. Moi aussi, je veux bien 1-0 pour les Roumains. Bizarrement. Non, franchement, je suis assez d'accord, en fait. Je vois bien la petite escroquerie roumaine. C'est possible, c'est très très possible, ouais. Moi, je vois un bon match nul, quand même. Un bon match nul, mais pas forcément des buts, mais un partout maximum. Mais après, c'est vrai que ce match nul, ça arrangerait vraiment personne. Enfin, si, ça arrangerait la Suisse, parce qu'il serait très... La France aussi, hein. On aura un match clairement plus détendu, dimanche. Ouais, ça, c'est sûr. Pardon. On va prendre le groupe B avec un chat dans la gorge, c'est horrible. Le groupe B qui est le groupe de l'Angleterre, de la Russie, du Pays de Galles et de la Slovaquie. Les premiers matchs qui ont été joués la semaine dernière ont vu le Pays de Galles battre la Slovaquie 2-1 avec un coup franc de Gareth Bale, un but de Robson Kanu et la Slovaquie avait marqué par Duda à la 61e. Et on avait vu l'autre match du groupe l'Angleterre-Russie finir sur un 1 partout avec une égalisation très très tardive des Russes, presque un hold-up. Et une ouverture du score de l'Angleterre d'Eric Dyer. Moi, je reviendrai bien sur le match des Anglais, parce que comme chaque année, les Anglais ont quand même une bonne équipe. Chaque année, on les attend, ils n'arrivent pas. Moi, je m'attendais quand même à ce que ce soit un peu presque la bonne, parce que il y a quand même une belle génération de jeunes menée par quelques tauliers. J'ai, malgré ce match nul où ils sont quand même fait avoir à leur propre jeu, les Anglais, je les ai quand même trouvé vraiment pas mal sur le match. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vais être très dur. Moi, je les ai trouvés bons aussi, les Anglais. Après, le souci pour moi là, sur l'Angleterre sur ce match-là, c'est clairement Harry Kane, quoi. Il a été mis. Oui, Harry Kane a été assez invisible, ouais. Ah, mais puis le seul fois où il était visible, il était hors jeu, donc c'est assez. Mais sinon, l'équipe, ouais, en elle-même, elle est pas mal. Rooney plus bas, finalement, il est pas mauvais, hein, clairement, voilà. Donc. Moi, j'ai prochain match tenter un Vardy, quoi, mais. Ouais, mais il faudrait tenter Vardy. Il a quand même montré des choses. C'est dommage qu'il soit pas rentré plus tôt, il a pas fait rentrer, d'ailleurs, du coup, je confonds. Non, ouais, il l'a pas fait rentrer. Il l'a pas fait rentrer. D'ailleurs. Et, c'est pas normal. Je sais pas quelle confiance aveugle il a en Harry Kane, qui est un bon joueur, hein, mais il a, en tout cas, qui a été invisible. Moi, j'ai bien aimé tout l'impact de la défense et de Sud Kai Walker, qui a vraiment joué tout en haut, tout le long du match, et qui a vraiment été super percussif sur son côté droit. Il m'a super impressionné, en fait. J'ai peu vu jouer cette année avec Tottenham, mais j'ai vraiment trouvé impressionnant. Après au niveau de l'attaque, c'est compliqué. Dele Alli, j'ai trouvé entreprenant, mais un peu avoir du mal à se placer. D'ailleurs, j'ai trouvé solide. Ouais, mais oui, super jeune. Mais c'est vrai que le mettre titulaire directement dans un match pareil d'ouverture, ça c'est couillu, je trouve quand même Alli, on a vu sur ses actions, il casse bien les lignes, mais quand il arrive à faire le choix, on voit l'expérience. Il fait des mauvais choix, il fait les mauvaises passes. Bon, ça se travaille, quoi. Oui. Ouais, voilà. Après, je pense qu'il a, pour l'Angleterre, le fait qu'il soit aussi bon, je pense que ça tient aussi à une chose. Il y a quand même 5 joueurs de Tottenham, et je pense que c'est, pour la complémentarité d'équipe, je pense que c'est pas mal, hein. Parce qu'il y a quand même Walker, Rose, Dyer, Ali, et puis, Kane. Voilà. Bon, finalement, il n'y en a qu'un qui n'a pas été bon, c'est Kane, mais, sinon, sur l'équipe, moi, je les ai trouvés plutôt bons, Est-ce que ça peut être vraiment c'est pas dommage qu'ils aient pas réussi à gagner ce match-là, qu'ils auraient quand même la place, parce que contre le Pays de Galles, ça va quand même pas être évident. Est-ce que c'est dommage? Justement, je suis un peu à contresens de vous, parce que j'attendais beaucoup d'eux, et finalement, au moment où on enregistre le podcast, il y a un seul match de deuxième journée qui a été joué, c'est la Russie qui a perdu contre la Slovaquie. Donc voilà, ça prouve que les Russes, c'est pas non plus des foudres de guerre, non. Et les Anglais n'ont pas réussi à s'en débarrasser, quoi. Donc c'est pas forcément rassurant. Parce que les Anglais vont faire battre par le Pays de Galles. Et c'est en ça que je dis qu'ils n'ont pas raté vraiment, hein, parce que le Pays de Galles va être, je pense assez dur à prendre. Et la Slovaquie, ben, on se rend compte que c'est quand même un sacré client. Donc, après, moi, je vois les Anglais, la déception. Moi, je vois clairement, pour moi, les Anglais, c'est la déception de 7 euros. J'annonce, voilà. Je pense que, quoi qu'il en soit, même s'ils arrivent à se qualifier dans ce groupe, ils iront pas bien plus loin. Il n'y a pas de lien. C'est un amoncellement de talents individuels qui n'arrivent pas à se trouver entre eux, à combiner vraiment. Moi, j'ai été géré dans les amis. Ah, ça a bien combiné quand même sur les côtés. Hein. Et ouais, sur les côtés, ouais. Les côtés sont les grandes satisfactions de cette Angleterre. Tu parlais de Walker tout à l'heure, qui lui a été énorme. Il y a pas à dire. Mais Sterling, par exemple, enfin moi, c'est un joueur que j'aime pas de toute façon. Voilà, c'est quelqu'un qui dribble, qui fait beaucoup de choses, mais qui sait pas être décisif finalement. J'aime pas du tout l'Angleterre. Je trouve que la génération qu'on appelle une génération dorée, et ben finalement, elle est bien en dessous de celle qu'on a eue avant. Qui sans faire de bons résultats était beaucoup plus agréable à voir jouer. On a l'impression qu'elle valait vraiment quelque chose. Là, moi, je suis pas fan du tout de cette équipe d'Angleterre. Après, sur un match, c'était un peu compliqué. Je sais qu'ils ont quand même battu l'Allemagne en amical 3-2 avec une superbe remontée. La France aussi. En amical. On a perdu contre les Albanais. Oui, non mais ah mais attends, le match est pas joué ce soir encore. Ouais. Non. Ouais, mais non, quand même. Mais est-ce que c'est pas un faux pas? Est-ce qu'ils sont pas juste vus trop beaux? Est-ce que c'est pas une équipe qui est encore un peu juste trop tendre et trop jeune et qui a besoin peut-être de vivre un peu plus ensemble? Ah, oui, mais dans ce cas-là, ils auront le même problème quand les matchs en jeu vont arriver. Si vraiment ils sont trop jeunes et trop tendres, ça posera problème en quart, en demi, voilà. Moi, je pense que leur pic, il est quand même encore dans la prochaine Coupe du Monde, quand même, dans 2 ans. Mais je suis pas spécialement inquiet pour les Anglais. Ils perdent sur Hart qui est immobile sur un but et sur Kane qui fait un mauvais match. Oh, c'est le but est quand même vachement hasardeux, la tête, quand tu vois l'angle, tu dis putain, comment le mec il fait pour la mettre là-bas, quoi. Oui. Et puis, en même temps, si je dis pas de conneries, il marque sur un coup franc. C'est un coup franc direct, si je dis pas de conneries. C'est un coup franc direct. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils ont pas réussi à trouver, la faille dans le jeu, quoi. Non, mais c'est après, ce que j'ai pas compris, c'est en même temps, c'est que c'est Kane qui a tiré tous les corners du match. Ouais, oui, ça, clairement. Et qui a mal tiré tous les corners du match. Oui, c'est surtout pour ça. Parce que si au moins il tirait bien, mais non, en plus il en a raté au cinquième qui rate et qu'il envoie au troisième poteau, je me dis, mais oh, t'as quand même bien tiré des coups francs. Hudson a dit que c'était le meilleur tireur de coups de pied arrêté de l'équipe. Mais c'est pas vrai, même Rooney il est tire mieux. Non mais attends, tu perds quand même, donc déjà il fait des coups de pied arrêtés pourris, mais en plus tu perds un mec qui a un très bon jeu de tête, hein, oui. Parce que Kane, c'est son jeu quand même dans la surface, hein, la tête. Moi je trouve ça très bizarre quand même, hein, qu'il le mette à choisir, je mettrais Rooney, tu vois, il va pas vraiment peser dans la surface de réparation, il a une très bonne qualité de passe, il pourra bien pas sûr faire pire que non, puis il est pas mauvais en plus en coup de pied arrêté, Rooney, c'est pas un cador, mais il est pas mauvais. Même d'ailleurs, il tire mieux que Kane, hein. Il tire bien les coups francs, les corners après les mois, puis bon d'ailleurs, il fait quand même 90, il va quand même pas faire tirer. Bon, après l'Angleterre, ils ont quand même pas eu de bol, hein, parce que les Russes, ils ont 2 tirs cadrés, bah ils marquent sur un des deux, donc bon, c'est pas... Il tire 6 fois dans le match, donc finalement ils ont pas été mis en danger. On reparlera de la Suède, bon, les tirs cadrés c'est pas forcément le plus important dans les matchs. Le plus important. Non mais en plus c'est tir cadré, mais tu vois la tronche de la tête, je sais même pas comment tu peux compter ça comme un tir, enfin c'est hasard. On peut dire qu'ils ont quand même pas eu trop de chance, mais qu'ils auraient quand même pu, peut-être qu'il y aurait quelques choix tactiques, ou ils auraient quand même, pour moi ils avaient quand même la porte pour en mettre 2 ou 3 sur ce match là quand même, il y avait quand même des trucs mieux à faire en tout cas. Il y avait mieux à faire. Ouais, il y avait mieux à faire. Clairement, pour moi, ça a été comme la Belgique. On en parlera plus tard, mais Belgique, Angleterre, voire Portugal, c'est un peu le même combat. Il y a eu beaucoup d'erreurs tactiques. C'est les entraîneurs qui sont à remettre en cause aussi, parce que Hobson fait des choix qui sont incompréhensibles entre Kane les corners, il fait pas rentrer Vardy. Enfin bref, ça a été un peu la même chose pour la Belgique. Voilà, j'ai l'impression que c'est plus eux que l'équipe qui perd vraiment en fait. Après eux ils les voient aussi à l'entraînement, ils voient aussi la forme des joueurs, et ils savent aussi ils sont censés plutôt savoir quand même sur qui ils comptent. Oui, mais bon, à ce moment-là bon. Non mais tout à fait, hein, je suis d'accord sur le principe, mais bon, c'est vrai qu'en général, enfin nous on voit ça d'un œil extérieur. Moi je comprends pas comment on peut laisser Kane 90 minutes et lui faire tirer les cornes. Je suis d'accord avec ça. Ouais, mais c'est sûr. On verra ce qu'il donne contre le Pays de Galles. Je pense que ça va être un sacré match bien chaud. Le deuxième match du groupe, donc du coup, c'était le Pays de Galles, du coup, qui a battu la Slovaquie 2-1. Les Slovaques, ils avaient quand même commencé le match bien bien chaud. Ça a été plus équilibré qu'il n'y paraît, donc quand même il y a eu la possession de balle. Le Pays de Galles est vraiment possédé par contre rapide. J'ai trouvé le match, enfin, j'ai pas trouvé la Slovaquie si nulle que ça, mais ils ont quand même pris leur deux buts, quoi. Je sais pas trop comment on peut dire. Je sais pas si on peut vraiment prendre ces deux équipes comme des candidats potentiels à des quarts de finale, par exemple. Après, la Slovaquie prend deux buts, le premier, ils le prennent sur coup franc et bon coup franc quand même. Le gardien ne doit pas faire un pas de côté. Belle connerie du gardien. Le gardien doit l'arrêter. Le coup franc, il est presque au centre de la cage. Je pense que ça reste des candidats jouables au 8e ou au 15, parce que c'est des équipes solides et du coup dans des matchs. S'ils terminent deuxième de leur poule, je crois qu'ils vont trouver sur le deuxième d'une autre poule. Donc ça restera jouable pour eux et voilà. Après c'est toujours un problème. Je regrette un peu qu'il y ait trois qualifiés parce que du coup on voit que ça va passer pour Pays de Galles, pour la Slovaquie et pour l'Angleterre normalement sans trop de soucis. C'est ça pour les meilleurs troisièmes, hein, c'est ça pour les quatre meilleurs troisièmes. Ça fait beaucoup quand même quoi. Voilà, c'était troisième à 4 points. Ouais, du coup je pense que là les trois pays vont passer. Et du coup, je vois franchement le Pays de Galles. Je crois que j'avais annoncé normalement, si je me suis pas trompé sur le tableau, c'est qu'ils retrouvent la France en quart de finale. Et a priori, ça peut vraiment passer, puisque en huitième de finale, ils vont tomber sur un Islande ou un Autriche ou en Hongrie. Ouais, donc ça risque d'être faisable. Donc ça peut pas. Et c'est pour ça que je disais que la France, ils ont porte ouverte jusqu'en demi-finale. Ouais, jusqu'en demi-finale. Tout le Pays de Galles, proportion gardée, normalement, on est censé le battre. Quoi. Est-ce que vous avez trouvé Gareth Bale au niveau? Carrément. Complètement. Moi, ça a été le top joueur annoncé, enfin avant l'Euro, qui a le plus réussi sa première journée. Clairement, voilà, il y a eu des déceptions dans les autres. Nous, on a eu Griezmann, Pogba, Portugal, Ronaldo. Enfin bref, globalement, Ibrahimovic avec la Suède. Enfin bon, globalement, les top players ont pas été bons, ou en tout cas pas au niveau auquel on les attend. Bon, mais c'est pas au niveau où on les attend. Et lui a été parfait. Il marque, il court pendant 90 minutes. Enfin bon, bref, moi je l'ai trouvé excellent. Il est dans la lignée de sa fin de saison avec le Real Madrid, qui est assez exceptionnel quand même. Il a été énorme et il continue sur son rythme quoi. Par contre moi, enfin c'est chez les Slovaques, je me demande comment Skrtel a pu finir le match quoi. C'est un boucher ce gars là quoi. D'ailleurs, en plus il aurait dû être expulsé pendant le match, et ce qui fait qu'il aurait pas dû être là pour le match contre la Russie. Est-ce que le match contre la Russie aurait été différent si Skrtel avait été là ou pas? Je sais pas, parce que il a failli choper un gallois à la fin, mais un truc de malade quoi. Mais oui, ils sont glissés. Non, mais il y a eu deux, trois coups aussi. Il y a eu un coup de coude, il y a eu plein de choses. Ouais, c'est sûr, il a toujours joué comme ça. C'est vrai que je trouve l'arbitrage assez pas laxiste, parce que ça laisse quand même jouer. Ouais, mais il y a quand même pas mal d'anti-jeux qui est pas forcément, on va dire, je sais pas, qui pour moi est pas puni vraiment à sa juste valeur, parce que il y a vraiment des mauvais gestes. On a vu France-Roumanie, les Roumains, ils ont mis beaucoup de coups. C'était quand même pas super agréable à voir jouer. Ça arrêtait pas de taper. On voit toutes les équipes qui ont un peu du mal techniquement, qui sont un peu en deçà, qui ont beaucoup plus de mal dans la transmission rapide, mettre des coups. Et je trouve que les jaunes tombent pas assez. Non, clairement. Je sais pas, ils ont dû avoir des consignes, les arbitres, je suppose, de laisser jouer énormément pour, je pense, voilà, à la base favoriser le jeu, mais du coup, ça donne de très mauvais gestes, hein. Clairement, les premiers cartons jaunes, enfin, globalement, ils tombent pas avant la seconde mi-temps. Il y en a très peu en première mi-temps. Faut vraiment que ça soit un mauvais geste. Et du coup, bah, ça permet, des gestes qui sont vraiment pas beaux, quoi. Globalement, moi, je trouve que l'arbitrage, sans être mauvais, c'est quand même peu d'erreurs, il y en a deux ou trois, mais il y a peu d'erreurs. Ouais, en partant d'une bonne intention de vouloir laisser jouer, laisse des gestes qui sont quand même, pour certains, qui auraient pu être vraiment, vraiment dangereux. Oui, clairement, et pour l'instant, ça n'a pas encore dégénéré, mais, ça peut dans la tension des deuxième et troisième matchs, il y a possibilité que ça peut partir un petit peu en couille, et que ça dégénère, et que ça se tape dessus, parce que... Ouais, mais ça se voit dans la plupart des matchs, quand tu regardes, les cartons jaunes, ils sortent tous en deuxième mi-temps, quasiment. Ouais. Quasiment, c'est, ouais. Sur ce match-là, il y a eu un carton jaune en première mi-temps. Sinon, les autres cartons, c'est pas avant la 78e minute, quoi. Pardon? Il y a que notre arbitre français qui a mis un rouge. C'est ça. Voilà. Il y a eu l'Orixana, ouais. Il a expulsé, comment il s'appelle? Autrichien, je sais plus autrichien. Bon, après, c'est mérité, hein. Rien à dire. Ah oui, c'est mérité. Peut-être je l'ai oublié, lui. Dragovic, voilà. Qui est très bon en fait le manager, mais qui, du coup, est beaucoup moins bon, en vrai. votre pronostic pour le Pays de Galles-Angleterre? Ah, pour Russie-Slovaquie, je pense 2-1 pour la Slovaquie. Pour le rappel, la Slovaquie a déjà joué au moment où on enregistre, a gagné 2-1 contre la Russie. De façon assez surprenante, on pensait quand même que la Russie allait se réveiller, et non, la Slovaquie, avec un super but d'Amzik, du coup on en reparlera la semaine prochaine, a battu la Russie et se place du coup en tête du groupe, mais du coup faudrait que j'arrive à faire une sorte de calcul pour pas que ça se... pour essayer d'expliquer le groupe après. Et du coup, oui, votre pronostic pour l'Angleterre Pays de Galles. Est-ce que vous voyez l'Angleterre arriver à battre le Pays de Galles ou le Pays de Galles vraiment arriver à faire un hold-up de Grande-Bretagne? Non, 2-0 pour les Anglais, avec la manière. Moi je dis 2-1 pour les Anglais, moi. Parce qu'on est jamais à l'abri d'un but de Gareth Bale, donc je dis 2-1 pour les Anglais. Moi je vois bien le nul. Un match nul, mais très très accroché, je pense. Bon, je dirais... Le 2-2 me semble beaucoup, donc je vais rester sur 1-1, mais voilà, ça va être un gros duel physique. Gareth Bale, s'il reste dans son cap d'unité, va marquer. En plus, c'est des joueurs qu'il a côtoyés pour la plupart quand il était à Tottenham, donc il connaît un peu, il a les automatismes. Moi, je vois bien 1-1, et du coup, l'Angleterre va se mettre en difficulté. Matt. Ah, franchement, c'est vraiment un débat, je suis incapable de me prononcer. Donc pour aller à contre-courant, je vais dire, allez, pourquoi pas, surprise, une victoire du Pays de Galles par un but d'écart. Et moi, je vois l'Angleterre difficilement, de buts à un, très difficilement, voire litigieusement. Je les vois quand même s'en sortir et gagner 2-1. Pour le classement du groupe, du coup, bon, je vais pas faire une mise à jour. Russie, Slovaquie était jouée, la Slovaquie a gagné 2-1. Du coup, ça nous fait le... j'ai classement 100. Le Pays de Galles, du coup, avant Russie-Slovaquie, est premier et seul premier du groupe avec 3 points. L'Angleterre et la Russie sont deuxième et troisième avec 1 point sur leur match nul. La Slovaquie ferme le groupe avec 0 point, mais tout ça va déjà facilement évoluer vu que du coup, ça revient a déjà 3 points. Oui, l'Angleterre et Russie sont 3 et 4 avec 1 point, quoi. C'est ça. Et la Slovaquie a rejoint le Pays de Galles à la première place avec 3 points, en attendant le résultat du Pays de Galles. Angleterre. On va passer au groupe C, qui est le groupe de l'Allemagne et de l'Ukraine notamment. Pologne, Irlande du Nord, la Pologne a gagné 1-0 avec un but de Milik. Et Allemagne, Ukraine, il y a eu 2-0 pour l'Allemagne, un but de Mustafi et un but en toute fin de match de Bastian Schweinsteiger. Après un match assez disputé, les Allemands se sont fait peur. Qu'est-ce qu'on peut dire du coup sur ce 2-0 de l'Allemagne, Ukraine, qui a quand même été un joli match, et que même si l'Allemagne a quand même globalement dominé, ils sont quand même fait de 3 frayeurs. Moi, je trouve pas que ce soit le fait. Hormis, effectivement, en fin de première mi-temps, mais j'ai eu plus l'impression qu'en fait, l'Allemagne continuait ses matchs de préparation. C'est-à-dire qu'ils ont essayé en première mi-temps de aller à gauche, à droite, ça laissait trop d'espace. En deuxième mi-temps, ils ont carrément essayé de garder le pied sur le ballon, comme s'ils avaient encore des essais. Ils étaient tranquilles et continuaient leur préparation. Parce que pour le coup, en deuxième mi-temps, l'Ukraine n'a pas vu la balle, quasiment. Non. L'Allemagne était moins dangereuse, mais elle avait le total contrôle du ballon. Moi, j'ai trouvé le match un peu chiant. Ouais. Ah, surtout à deuxième temps, en fait. Parce qu'en fait, l'Allemagne, elle avait le pied sur le ballon, mais j'ai l'impression qu'elle essaie de combiner, mais ça menait à rien deux fois sur trois. Oui, clairement, C'était dur offensivement, et l'Ukraine, il y a Yarmolenko qui tentait un truc de temps en temps, mais le mec, il était tout seul. Oh putain, moi, je trouve ça chiant, quand même, comme match. Enfin, parce qu'en fait, l'Allemagne, c'était stérile, et tu savais que l'Ukraine faisait rien, donc tu connaissais le gagnant, mais en même temps, tu connais le gagnant, tu regardes le match, tu te fais un peu chier, quoi. Donc les Allemands comme champions du monde en titre, ils ont quand même été solides, hein. Il y a quand même. Mais je pense que tout le monde a annoncé l'Allemagne un peu en perte de vitesse et moi je les vois pas bien encore gagner. Je pense pas. Et par contre, on parlait des joueurs stars qui réussissaient pas à leur début. Müller, il a pas été bon du tout sur ce match-là, quoi. On l'a pas beaucoup vu, on va dire qu'on l'a pas beaucoup. Ouais, vu. Mais après Müller, on le voit jamais beaucoup, hein, sur les matchs. Voilà, c'est ça. Ouais, moi j'ai jamais trouvé Müller. Pour moi, c'est pas un joueur star à proprement parler, parce que c'est pas le mec qu'on met en avant. Enfin, je veux dire, ça fait je sais pas combien de temps qu'il est au top niveau au Bayern, mais vraiment qu'il finit toutes les années avec un nombre de buts impressionnant en Ligue des Champions, il est toujours très bon. Mais sur un match, c'est le mec que tu vois jamais, puis qui surgit à la 85e et qui te la plante et tu sais pas d'où il vient. Moi, c'est pas un joueur star à proprement parler. Moi, je pense qu'il a fait enfin, sur ce match, sans être décisif, il a fait du Müller. Forcément très bon, mais il peut. Ouais, c'est son jeu, hein. Dans Football Manager, le Ram de Terre, ça a été créé à partir de lui, hein. C'est un joueur qu'on voit pas forcément pendant le match, mais qui sur une action. Après, offensivement, je suis pas convaincu par Götze en faux neuf. Non, ça m'a. Ozil, il a dû descendre en seconde mi-temps pour récupérer ses ballons parce qu'il a rien touché pendant la première. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que la Coupe du Monde, quoi. C'était, à aucun moment, c'est flamboyant, à aucun moment, c'est virevoltant, t'as toujours l'impression que ça se cherche, et au final, c'est toujours tellement solide derrière, et t'as toujours des joueurs que ça gagne. Les joueurs ont un tel talent individuel, en tout cas, qu'ils arrivent toujours à faire 2-3, parce que bon, là, c'est Draxler qui est titulaire à gauche, sur le match. Ouais. J'ai pas trouvé extraordinaire, j'ai pas trouvé super percutant. Première mi-temps, il touche pas de ballon. Non, ça a pas été. Et c'est fou parce qu'encore une fois, ils gagnent 2-0, ils s'en sortent. Alors c'est qu'ils ont quand même une grosse défense. Mais et encore, lui-même c'était absent. Et encore, lui-même, on verra d'ailleurs au prochain match normalement. Normalement, il va jouer. Voilà, lui-même c'était absent. Donc, c'est les Allemands, c'est les Allemands. Enfin, La défense, je suis pas convaincu par les latéraux quand même. Non, non, mais c'est pas latéraux. Jonas Hector a pas été énorme. Alors, c'est la première fois qu'on a un vrai latéral en Allemagne depuis un bon moment. Et enfin, Ovedes à droite, faut arrêter. Il sait pas faire un contrôle. Dès que tu l'envoies en profondeur ou tu lui fais une transversale de 60 mètres, il n'arrive pas à la contrôler. Elle part en touche. C'est je comprends pas. Je comprends pas qu'ils arrivent pas à sortir deux latéraux droits et deux latéraux gauches dans un championnat et un football aussi riche que le foot allemand. Je comprends pas. Déjà un. Que tu parles de deux et déjà il en faudrait au moins un déjà pour être titulaire. Bah, Hector. Oui, il y a Hector, mais Hector, il a pas été énorme en plus. À droite, c'est pas latéral. Non, non. Et puis ça, Hector, c'est celui-là, il fait jouer Mustafi en plus à un côté, donc. Ils ont été champions du monde. Et ils ont été champions du monde comme ça. C'est ça. Après, ils ont été champions du monde avec Philippe Lahm à droite quand même. Oui, c'est vrai. C'est pas. Ça fait la même chose. Enfin bon. Il sauve aussi avec un très gros milieu de terrain, Khedira Kroos, gros match encore. Oui, très clairement, oui. Kroos, Khedira m'a vraiment impressionné sur ce match-là. Il a beaucoup pris le jeu à son compte. Il a fait beaucoup de montées, il a été super solide. Et puis surtout, ils ont pour moi ce qu'est le meilleur gardien du monde, quand. C'est quand t'as Neuer derrière. Il a pas été rassurant. Non, il a fait une bourde en fin de match, qui a pas coûté très cher. Mais derrière, il sort quand même des arrêts, voilà. Tu sens que le mec il est en confiance et que dans les matchs importants quand il va en sortir une, deux, trois, bah derrière ça va changer le match. Ouais. Il a sorti des gros arrêts encore. Ouais, mais moi ce joueur est tellement fort. Pour résumer, je pense qu'ils ont une colonne vertébrale qui est tellement forte que ça compense tout ce qu'on vient de citer, les latéraux pas terribles. Ozil qui se place pas forcément bien, Götze en faux neuf, mais en fait ils ont tellement une colonne vertébrale qui est énorme. Que ça compense tout ça, il suffit qu'il trouve la faille et bien derrière. Sûr. Alors après, il faut aussi dire que enfin l'Ukraine a quand même pas été extraordinaire. Moi, j'ai quand même été assez déçu par cette équipe d'Ukraine que j'ai toujours tendance à bien aimer voir jouer. Est-ce qu'ils sont quand même joués en dessous de leur niveau l'Ukraine, ou est-ce que ça après, fait vraiment quelques années que c'est fini? Il y a des gros problèmes internes. Ouais. Bah, Yarmolenko, Konoplyanka, apparemment c'est. Ouais. Yarmolenko qui s'est tapé avec Stepanenko dans le match entre Kiev et Donetsk. Alors officiellement, d'après les médias. Il se tape. C'était la rivalité entre les clubs. D'après Beansport, je sais pas si Beansport a raison ou s'ils ont rien compris à l'information. C'est surtout qu'il y en a un qui serait plus pro-russe, l'autre pro-Europe. C'est un peu tendu l'Ukraine en ce moment. Et du coup, ils se sont serrés la main en conférence de presse pour dire tout va bien. Mais il y en a un des deux qui a dit plus jamais, ça sera mon ami, on va faire semblant pour avoir ça. Même les fans voilà, vraiment une ambiance politique. Il y a vraiment une ambiance pourrie. Donc. Est-ce que du coup, est-ce qu'ils vont s'aborder l'euro comme ça? Ouais, ils sont partis pour, parce que offensivement, c'est minable. Zozulia en pointe, je le plains, le mec il a pas touché un ballon du match. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire arriver à se réveiller contre l'Irlande du Nord alors en deuxième match, l'Irlande du Nord qu'on a vu perdre contre la Pologne 1-0, qu'on a vu vaillant comme il pouvait, mais tel une équipe de nationale en Coupe de France face à un gros cador, ça a quand même été super super faiblard. La Pologne ça a beaucoup cherché, ça a pas été super efficace, mais ça a quand même dominé son match. Est-ce que l'Ukraine va faire bonne figure face à l'Irlande du Nord, ou est-ce que l'Irlande du Nord va réussir avec leur forceps et leur grinta à obtenir un résultat de ça alors? Moi je pense que l'Ukraine va gagner, peut-être largement, je vois un 3-0, mais ça aura pas été très convaincant au final. Victoire pas convaincante. Et la Pologne, du coup, vous en pensez quoi? Ah, c'est pas évident de juger encore une fois sur un match comme ça. Comme t'as dit, c'est très Coupe de France. Donc derrière, ça attaque en 90 minutes, t'arrives pas à faire la différence. Tu fais 1-0, ça veut pas dire que t'es nul, ça veut pas dire que t'es bon, quoi. La Pologne, déjà, on pourra plus les juger contre l'Allemagne. Contre l'Allemagne, du coup, on va voir. Est-ce qu'il y a danger pour l'Allemagne avec la Pologne, ou est-ce que c'est la Pologne qui risque quand même de déchanter assez vite? Je pense qu'il y a pas danger, mais que l'Allemagne sera pas super impressionnant non plus, quoi. Ils vont gagner par un ou deux buts tranquille. Ouais. Mais le problème c'est que les Polonais sont forts surtout devant, et ils vont buter sur la charnière de l'Allemagne, ça va faire mal, quoi. Ouais. Donc vos pronostics pour Pologne-Allemagne? Allemagne-Pologne, je sais pas en quel sens c'est. Allemagne-Pologne. Allez, 1-0 pour les Allemands pour moi. Ouais. Ouais, 1-0 aussi. Ouais. Je pense aussi que les Allemands vont s'en sortir, mais que ça va être très très très compliqué. Moi, je vais dire. Parce que la Pologne est quand même, c'est quand même une belle équipe, et franchement, ils ont manqué de réalisme sur le match contre l'Irlande, ils peuvent facilement en mettre 3-4, hein. Moi, j'espère 4-2 parce que je vais au stade. Bon, j'aimerais bien qu'il y ait Allez, 8-3 pour l'Allemagne, pour match. 8-6. Putain, alors qu'il y a des buts, quoi. Voilà. Ouais, moi, j'hésite beaucoup, parce que je vois peut-être la Pologne se réveiller, mais peut-être plus tard, contre l'Ukraine, justement. Alors, on va dire, allez, un 2-0 l'Allemagne, encore un 2-0, mi-chaud, mi-froid, on sait pas trop, ouais. Mais qui s'en sortent encore une fois, parce que c'est solide derrière, quoi. Ouais, ça, c'est d'accord, en fait. Si je devais être objectif, je dirais pareil. Et du coup, ce groupe C, l'Allemagne et la Pologne sont premiers du groupe avec 3 points, l'Allemagne devant avec une différence de but supérieure, et l'Irlande du Nord et l'Ukraine sont 3e et 4e avec 0 points. Toute la journée se jouera demain au moment où on enregistre. Alors, je ne veux pas dire ça, on s'en fout, parce que de toute façon, ça va être différé. On se jouera jeudi. Et voilà, jeudi, oui. On passe... J'allais dire juste un dernier truc, ouais, vas-y. On verra, on fera des plans après la deuxième journée plus, je pense, mais je pense que vu que l'Irlande du Nord a l'air assez faible, un peu comme le groupe de l'Angleterre, ça peut sûrement être un groupe où la troisième passera sans problème aussi. Ouais. Où tout le monde va être à 3 points, a priori. C'est très possible. Si l'Irlande du Nord ne fait pas d'exploit, ça devrait passer pour les trois équipes. C'est très possible. C'est vrai. On va passer au groupe D, qui était pour moi un des deux groupes de la mort, avec la Turquie, la Croatie, l'Espagne et la République tchèque. Pour moi, il y a quand même trois prétendants pour les huitièmes de finale. Sur le premier match, la Croatie a logiquement battu une très très faible Turquie 1-0. Ils auraient vraiment pu prétendre à plus, mais c'est un exploit de Luka Modric qui a sceller le sort des Turcs, et l'Espagne a difficilement, bizarrement, battu la République tchèque en dominant totalement le match, 1-0. Est-ce que l'Espagne est en fin de cycle, parce que c'est vraiment chiant à voir jouer, quoi. Bon, on retrouve ce que Barcelone avait eu comme problème, en fait, hein. Quand Barcelone a tout gagné derrière, c'était un peu les mêmes problèmes, c'est-à-dire domination stérile, et on n'arrive plus à faire la différence du tout. Tiki-taka, quoi. Ouais, c'est ça, ça fait tourner, mais ça passe rien, quoi. Après, c'était pas forcément un mauvais match pour l'Espagne, je sais pas. Non, ils auraient quand même eu des occasions, ils auraient quand même dominé, clairement. Est-ce que Tchèque a fait un tant bon match que ça? Est-ce qu'ils ont juste, pêché dans la finition? Je pense que c'est Sech qui a fait un gros match, mais c'est pas très alarmant pour les Espagnols. Enfin, encore une fois, c'est toujours que le premier match. On sait que les trois quarts des grosses équipes sont passées mi-figue, mi-raisin, elle aussi. Donc, après, j'étais un peu étonné, avec tout le respect que j'ai pour lui, mais de voir Nolito en pointe, quoi. Tu te dis que le réservoir espagnol, il est peut-être pas si important que ça, en fait. Parce que Nolito, c'est pas non plus... Je mettrais bien Morata quand même à la place, mais bon, c'est plus son poste, quoi. Il était le titulaire, je crois, non? Il y avait Morata, Nolito et Silva. Donc c'était le MSN Madden Espagne, en fait. Ouais. Et les trois étaient titulaires. J'étais un peu étonné de voir ça. Moi, je pense qu'elle arrive vraiment en fin de cycle, cette équipe d'Espagne. Et là où je comprends pas, enfin, c'est de pas prendre un véritable attaquant. Morata n'est pas pour moi un véritable attaquant tueur. Torres est revenu fort en cette fin de saison. Le prendre avec son expérience, il a toujours été bon dans les grandes compétitions, toujours. C'est un mec qui s'est planté quand même dans les moments importants. Je pense que voilà, il aurait vraiment pu faire du bien à ce groupe. Moi, je les vois pas terribles, l'Espagne. Ça passera jusqu'en quart. Je connais pas exactement le tableau, donc peut-être quart, demi avec de la chance, mais l'Espagne, ils ont intérêt à pas terminer deuxième de leur groupe, en tout cas. Mais derrière, sinon c'est tout de suite Belgique ou Italie dès les huitièmes. Ouais, mais du coup ils se sont mis bien là en gagnant avec. Ouais, mais ils ont gagné, j'ai envie de te dire, contre sur le papier la plus faible des 4 équipes du groupe. C'est pas faux. Donc derrière, je suis en passant devant l'Espagne. Ouh, je suis pas sûr. La Turquie, moi, ils m'ont ultra déçu. Ils ont été nuls à chier. Sur le papier, j'ai bien dit sur le papier. À la base, on s'attendait à voir la Turquie devant la République tchèque. Ah ouais. Bah on verra. On verra d'ailleurs. Un passionnant. Un République tchèque Turquie, ce sera en la troisième journée. Ah oui, donc. Après l'Espagne, moi, je les vois bien aller loin, mais c'est toujours ric-rac, genre le 1-0 pendant 5 matchs, quoi. Ouais. Est-ce que la Croatie et l'Espagne se placent vraiment favoris du groupe là, du coup, pour le coup? Oui. Je comparais, moi, la Croatie, je les attends beaucoup, ils ont quand même un énorme milieu, ils ont quand même une défense très solide. Je veux juste dire un truc, parce que pour le coup, j'étais au stade aussi. Ouais. Et Modric, on dit que les grands joueurs sont passés à côté. Je considère Modric. Modric, ça n'est pas passé à côté de son match. Voilà, il est magnifique, c'est vrai. Balotelli, il est tellement magnifique. Non, mais ils ont fait un super match. Ouais. Par contre, on a passé deux joueurs qui sont passés à côté. Arda Turan, c'était Casper. L'entraîneur l'a même sorti, mais totalement invisible pendant le match. Le problème, c'est que Arda Turan, sur ce match, il a plus souvent cassé le rythme de jeu de la Turquie qu'autre chose. Oui. Quand la Turquie ralentissait, redescendait. Ah ouais, c'était. Ouais. La Turquie essaie de jouer un peu vite en temps, et Arda Turan, il descend très très bas, genre au milieu de terrain, au rond central pour prendre son ballon, et il ralentit tout. C'était pas attention, l'entraîneur, mais... pour le coup, il l'a sorti rapidement. Oui. C'est... Mais la Croatie faudra se méfier quand même, puisque pour le coup, pareil, ils ont eu touché deux, trois fois la barre, ils ont, moi, je me, j'étais là-bas. Ils ont fait deux poteaux, ouais, deux poteaux. Ouais, je me suis dit, ça va faire un partout. De les voir avoir tant d'occasions, je me suis dit, ça va. Ça aurait pu si la Turquie avait vraiment réussi à faire quelque chose, quoi, mais, je crois que c'est ouais. plus, la Croatie a plus balbutié qu'autre chose, là où la Turquie a vraiment été à zéro. Mandzukic, je l'ai trouvé, je suis mitigé, si je vais pas vraiment, ouais, un peu en ouais, je vais pas. Correct. Il jouait beaucoup dans la, dans le côté, sur le côté, je me suis dit, bon, il fait un beau centre à un moment. Il fait un beau centre, ouais, mais justement, enfin, est-ce qu'on attendrait pas plus en remise, en, ouais, pour moi, c'est avec des milieux qui viennent un peu jouer avec lui, sur des petits périmètres, surtout qu'il a des milieux avec Rakitic et Modric, qui jouent dans des petits espaces de façon, totalement géniale. Est-ce que c'est pas dommage? Est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être une sorte de, des aveux par rapport aux deux côtés, en fait, par rapport à Brozovic et je sais plus qui joue à moi, gauche. Moi, ça a été ma pensée de la première mi-temps. Perisic. Oui, Perisic. Ça a été ma pensée de la première mi-temps, vraiment. On avait l'impression que sur le côté, ça passait vraiment facilement. Et après, il faisait que balancer la balle au centre. Oui. Centré. Alors que comme tu dis, il y a des joueurs comme Rakitic et Modric, tu tentes la passe en retrait. Et au final, le but, il arrive pas sur une passe en retrait, mais sur un dégagement et à l'entrée de la surface, boum. Et j'ai pas compris pourquoi en première mi-temps. Parce qu'ils arrivaient même à pénétrer dans la surface. Et du coup, dans ce cas-là, tu te dis, mais c'est en retrait direct, quoi. Oui. Et ça centrait devant. Et je me dis, pourquoi ça a beaucoup cherché Mandzukic et les Turcs. Ouais. Et peut-être les Turcs ont été quand même pas dégueu dans le... Faut pas qu'ils oublient quand même que c'est plus le Mandzukic d'il y a quelques années. C'est pas... plus sur le même joueur quand même, donc faut pas trop surjouer quand même sur lui. Ils ont qui comme autre attaquant de pointe Ils en ont fait rentrer un autre après que je... Kramaric, ouais, qui est quand même pas terrible, Kramaric. Pas encore, en tout cas, il est jeune. Je sais pas si c'est Kramaric, mais ils ont fait rentrer un petit attaquant, je veux dire de poche, mais un petit attaquant plus rapide pour prendre les espaces à la fin du match. Donc lui, ça peut être aussi une solution. Il y a Pierka qui a remplacé Mandzukic, mais à la 90e. Je sais pas si c'est de lui dont tu parles. Ouais, c'est Marco Pierka, ouais, Kramaric est rentré à gauche, effectivement, ouais. Mais par contre, tu dis un attaquant de poche, il fait quand même 1m86, quoi. D'accord. C'est peut-être pas lui, alors, hein. Non, c'est Kramaric, c'est sûr. Ok. Je vois qu'il fait un 77. Donc c'est plus logique, en fait. Ouais, vas-y. Ouais, parce qu'aussi, Serna sur son match qui était énorme sur son côté. Après, il a joué très haut. Enfin, il y a des moments où il monte quand même à chaque fois, et il y a eu deux, trois moments quand même où ils ont pris des trous et des contre-attaques, parce que Brozovic savait plus trop quoi foutre, parce que, enfin, Brozovic, j'ai l'impression, il a un peu de mal à se trouver. J'ai pas trouvé énorme sur ce match, parce que, sur toutes les montées de Serna, on va dire qu'il couvrait pas vraiment, le couloir derrière. Il s'est retrouvé à prendre deux, trois contre-attaques qui ont été, stériles, parce que la Turquie a vraiment été mauvaise. Mais, Serna, faut qu'il se parle. S'il monte, l'autre, faut qu'il couvre. Parce que c'est pas possible. Brozovic aussi, à un moment, il a pris pas mal de mauvaises décisions dans ses passes. Il a perdu des ballons qui auraient pu coûter très cher à chaque fois. Oui. Je sais pas si vous avez entendu la nouvelle, mais Serna sera sûrement pas là pour au moins le prochain match. Oui. J'ai même lu, mais pour moi, c'est pas possible qu'il l'aurait appris pendant le match. Donc, déjà, tu dis comment il a pu l'apprendre, quoi. Et je vois pas le stade. J'ai entendu qu'il l'avait appris en rentrant au vestiaire. C'est à la mi-temps, c'est pas aller vite aussi, hein. Ouais, c'est vrai. Ok. Du coup, pour la prochaine journée. Je pense que tout le monde est d'accord que sur cet Euro, il n'y a pas de favori principal qui se détache. Pas encore, en tout cas. Pas pour gagner, mais en tout cas, la Croatie peut vraiment être une bonne surprise. Je les vois en demi. Puis voilà. Début. Je les vois en demi, la Croatie. Ouais. J'ai envie d'y croire parce que c'est une belle équipe, mais quelque part, il me faut un peu peur. Parce que finalement il gagne 1-0 sur un exploit, parce que enfin voilà, la frappe de Modric, il en mettra une comme ça. Finalement ils se sont fait très très peur, la Croatie. C'est un peu comme l'Espagne a eu 15 occasions, ils en mettent une. La Croatie a touché deux fois la barre, voilà. Oui. C'est pas passé, mais ils avaient les actions quand même, quoi. Quand on voit la Slovaquie aujourd'hui, qui a un peu balbutié au premier match et qui s'est vraiment plus mis en route en deuxième contre la Russie, avec notamment un but superbe d'Amzik, alors qu'il a tenté des frappes comme ça sur le premier match et que ça, à chaque fois, ça a été contré ou ça a été mal tiré, je me dis, les équipes comme ça, si elles ont d'un match où on va être en régime, il se peut qu'on ait vraiment une belle deuxième journée et que ça se détende et ça les met au fond, quoi. J'espère pour eux, en tout cas, parce que, enfin, pour nous d'ailleurs, parce qu'ils sont agréables à avoir joué. La Croatie est agréable à avoir joué. Moi, j'ai envie qu'ils aillent loin parce que, voilà, Rakitic, Modric, c'est beau à avoir joué. Il y a pas d'autre mot, quoi. C'est pas chiant, ça va vite, c'est pas sur passe. Moi, j'ai envie qu'ils aillent loin. Après, j'espère que, justement, ils vont faire comme la Slovaquie et, j'aimerais bien qu'ils terminent premier du groupe. parce que l'huitième de finale que je dois aller voir, c'est le deuxième de ce groupe contre le premier du groupe d'après. J'aimerais bien que Espagne-Italie, en fait. Eh oui. Si ah non, pas déjà en huitième, ça va m'emmerder, arrête. Non, non. On en parlera tout à l'heure. Par contre, à la Croatie, enfin, les Croates, il faut qu'ils virent le mec qui fait les straps, c'est pas possible, quoi. Mais Corluca, il a été changé 3-4 fois de strap. Non, mais c'est qu'il voulait l'enlever, je pense, Corluca. Oui, parce qu'il est resté beau gosse. Le strap, il a tenu, il est revenu en début de deuxième mi-temps, il l'a enlevé. Un petit pansement, là, ouais. Mais bon, pas bien grave pour le jeu. La deuxième journée, du coup, verra la République tchèque affronter la Croatie et l'Espagne affronter la Turquie. Est-ce qu'il y aura pas photo que la Croatie va battre la République tchèque et l'Espagne va battre la Turquie? Bah, je pense, ouais. Je pense qu'il y a moyen d'avoir des surprises quand même. Au niveau de la Turquie ou au niveau de la République tchèque, tu penses? Les deux, parce que les Républiques tchèques sont tombés contre l'Espagne, qui a pour but de justement d'avoir le ballon. Donc oui, on les a pas forcément c'est vus. Vrai. C'est ils vrai. Peuvent se révéler un peu plus sur ce deuxième match. Et la Turquie, j'espère quand même qu'ils vont au moins essayer de réagir, quoi. Donc, pour, franchement, c'est possible d'avoir des surprises dans les deux matchs. Or, logiquement, ça fera Espagne-Croatie. Mais, pour le coup, je pense que les matchs seront plus ouverts que ce qu'on attend. Ouais. Allez, vos pronostics, en tout cas, pour ces deux matchs. Pensez-vous. 2-0 l'Espagne et 2-0 la Croatie. Ouais, tout simplement. Pardon. Ouais. Moi, je vois bien 2-0 la Croatie. Et, je vois un match nul entre l'Espagne et la Turquie. Ouais. La Turquie, si calcule un peu le coût du meilleur troisième dont on parlait tout à l'heure, accrocher un match nul leur permettrait de jouer exactement, de jouer leur tête, de jouer leur tête face voilà. Donc moi je vois bien ça. Reste à t'y va, je crois. 2-1 pour les Croates et 1-0 pour les Espagnols. Je suis d'accord sur le 2-1 pour les Croates et après pour l'Espagne ouais 3-1 ou 2-1. Eh ben moi je vois 2-0 pour la Croatie contre la République tchèque et je vois match nul aussi de l'Espagne, je vois un partout contre la Turquie. Je les vois bien, putain j'ai Zapata en bas de chez moi qui gueule, c'est super. On va enchaîner au groupe E, on va se dépêcher un peu parce qu'on commence à être un petit peu long et qu'il faut qu'on accélère. Le groupe E qui est selon beaucoup le deuxième groupe de la mort avec l'Irlande, la Suède, la Belgique et l'Italie. Belgique était censée être le gros favori du groupe et une Italie que plus personne n'attend parce qu'il y a des blessés et vraiment une équipe, en tout cas une génération qui n'est pas la plus efficace ni la plus révoltante. Et pourtant, contre toute attente, l'Italie a battu la Belgique, qui est un des grands favoris, 2-0. Et dans le deuxième match, l'Irlande et la Suède ont fait un partout, une Suède totalement dégueulasse à avoir joué. Alors la Suède, on en parle beaucoup, bah, parce qu'on est en France avec Ibrahimovic, mais ça fait combien de temps qu'ils sont plus virevoltants ni super séduisants dans le jeu, la Suède? Ça fait un moment, hein. La Suède, quand même, ils nous ont fait une EFM, quoi. C'est-à-dire que pas un seul tir cadré, mais ils m'arrivent quand même à marquer. Truc balèze. Mais c'est vrai que la Suède, bah, franchement, ils ont été, ils ont été chiants, quoi. Mais bon, après, l'Irlande n'a pas été extraordinaire non plus, hein. Non. C'est vrai. Non, mais c'est un manque de qualité extraordinaire. La Suède. Après, l'Irlande a quand même moins de talent que la Suède, normalement, quoi. C'est ça le truc, quoi. Bah après la Suède, t'enlèves Ibrahimovic. Je trouve pas ça très talentueux, la Suède, quand même. Bah y a plus grand monde, hein. Karlström, il est vieux comme tout. Alors il a été très bon, plus reculé. Mais ils m'ont vraiment pas fait rêver. Il y a plus grand monde qui fait rêver. Ibra, il s'est traîné tout le long. Il a joué comme il joue à Paris, c'est-à-dire qu'il descend beaucoup. Du coup, il y a plus personne devant. Oh, j'ai trouvé ça un chiant, hein. Très décevant, la Suède. Je les vois vraiment pas passer, moi, la poule, hein. De toute façon, je voulais avoir. Bon, on va croire que je suis tout le temps au stade, mais non. Mais je vais dire que non. Mais sur ce match-là, j'ai eu le sentiment, en fait, à la fin, pour le coup, qu'avec ce match nul, les deux équipes étaient normalement éliminées. Parce que après, c'est Belgique et Italie. Vu ce qu'elles ont montré, je pense pas qu'elles sont les deux équipes en mesure de battre la Belgique ou l'Italie. Et du coup, avec un point, elles vont sortir. Hein. Et à la fin, je crois que c'est la Suède, pour le coup, plus que l'Irlande qui avait compris. Parce qu'ils ont essayé d'attaquer, mais ils ont pas réussi, quoi. Mais voilà, pour le coup, j'ai l'impression que ce match nul élimine les deux équipes, en fait. Bah, de toute façon, il va falloir que ces deux équipes se réveillent très vite parce que elles vont jouer l'Italie pour la Suède et la Belgique pour l'Irlande dès la fin de semaine, en vendredi et samedi. Il va falloir qu'elles fassent quelque chose tout de suite. Alors autant je vois peut-être l'Irlande arriver à emmerder un peu la Belgique parce que la Belgique on les a vus très très brouillons. Mais en fait j'ai envie de dire comme toujours, la Belgique on nous sert toujours une énorme génération, ce qui est le cas sur papier. T'as une équipe de fous furieux, mais quand t'as un joueur comme Hazard qui est pas capable de prendre le jeu à son compte, quand t'as un joueur comme De Bruyne qui est bon avec City, qui est un des seuls joueurs à surnager avec City, n'arriver à ne pas se trouver, à plus savoir où est le terrain, est-ce que le problème de la Belgique c'est pas Wilmots en fait? C'est pas possible. Ouais, sortir les Golan pour laisser les deux grands échalas, Witzel et Fellaini au milieu, alors que Golan c'est le seul qui percute, qui se bat au milieu pour faire rentrer Mertens. Ils ont fini avec 6 attaquants, il a fait une Mitchell en fait, Wilmots, c'est pas possible. Ils ont fini en 3-1-6. C'était les deux opposés. On a une équipe qui a des joueurs qui sont moins forts que d'autres années, mais on a un collectif en Italie, et en face, on a un assortiment de joueurs, quoi. Et la Belgique, j'ai l'impression que c'est ça depuis des années. C'est-à-dire qu'on on empile les stars, entre guillemets, parce que sur le papier, c'est la meilleure équipe, sûrement, au niveau des noms. On empile les stars, mais il n'y a rien, il n'y a pas de collectif. Après, on l'a dit si forte que ça, moi, je suis désolé, De Bruyne a fait une bonne saison. Hazard, cette année, il a été mauvais, clairement. N'Golan a fait une bonne saison. N'N'Golan a fait une bonne saison. Fellaini est dégueulasse, mais il a fait une saison correcte. C'est pas une superstar. Fellaini, je sais même pas comment ce mec peut être titulaire dans un club. Franchement, il a rien. Et la coupe de cheveux, on en parle ou pas? C'est très très beau. Très beau. Fellaini derrière Lukaku, tu dis, mais c'est pas possible, quoi. Fellaini derrière personne. Déjà, Lukaku, il a chier, mais alors derrière, t'as Fellaini. Il a pesé. Lukaku, il a quand même pesé. Il a quand même pas mal joué en remise, d'ailleurs. Oui, mais du coup, il a bien fait. Il y en a qui arrivent pas. Il a quand même, moi, je trouve Lukaku, un des moins mauvais, peut-être, même s'il a eu finalement très peu d'occasions pour se mettre, c'est celle qui a pesé plus ou moins sur une énorme défense italienne. Mais même Origi qui est rentré derrière, il a pas réussi à peser. Il a notamment raté la balle du 1 partout. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'ils ont perdu tactiquement, quoi. Ils ont pas. Est-ce que l'Irlande peut aller les gêner totalement sur un match, quoi? Pour le coup, ce sera vraiment la Belgique contre elle-même, en fait. C'est savoir gérer la pression, de savoir que t'as pas le droit de perdre. S'ils jouent à leur niveau, même le niveau qu'ils avaient contre l'Italie, contre l'Irlande, ça devrait passer, en fait. Mais après, le fait d'avoir peur, de savoir que tu peux pas le perdre, c'est possible que eux-mêmes s'handicapent, en fait. Ouais. Je sais plus ce qu'a dit Courtois exactement dans sa déclaration, mais de ce que j'ai lu, on dirait qu'il y a une grosse tension quand même dans le vestiaire. Je suis pas sûr que ce soit très uni. Bah non, il y a beaucoup de gros melons, il y a quand même beaucoup de grosses têtes et de gros égos. Hazard et la grosse tête, même Fellaini a la grosse tête. Enfin, c'est. Est-ce que du coup le fait qu'il est pas, il avait une grosse tête surtout. Est-ce que le fait qu'il est pas Company, qui est un peu le joueur emblématique qui met un peu tout ça, fait que tout se casse la gueule parce qu'il manque un gros leader charismatique. Mais même les décisions tactiques, on en parlait, Vermaelen au centre et Vertonghen sur un côté, faut arrêter. Hein. Oui, c'est Vertonghen déjà, tu le mets au centre avec Alderweireld et Vermaelen, il finit sur le banc. Hein. Parce que le mec, il joue pas un match de l'année, il arrive à être titulaire quand même. Alderweireld a été très en dessous sur le match, hein. Très très très en dessous. Le premier but c'est lui et le deuxième, il y a une grosse occasion aussi où il s'est fait aussi. C'est bien le seul qui a joué à son poste et c'est le seul qui s'est trouvé. Ouais. Sur le papier, défensivement, la Belgique c'est quand même pas terrible, hein, en l'absence de Company. Je suis désolé, on cite les noms. Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen, ça va. C'est pas terrible. Vermaelen, il vaut. Enfin, je veux dire, ça fait deux saisons. Le mec, c'est blessure sur blessure. Ça. Après, c'est un peu la même chose que ce que j'avais dit sur la France. C'est pas exceptionnel, mais c'est sûrement les trois quarts des équipes quand même, quoi. Oui, mais on les annonce comme les favoris. Enfin, moi, j'ai entendu la Belgique comme les favoris. Offensivement, je trouve pas que la France a grand chose à leur envier, franchement. Défensivement, c'est le même problème. Tu exagères. La même problématique. Ah bon. Pour moi, c'est deux équipes qui ont la même problématique, sauf que nous, on est à domicile, qu'il y a tout un tas de on tombe dans un groupe qui est bien, machin. La Belgique, a pas eu de chance, tombe dans un groupe qui est difficile. Est-ce qu'ils pourraient vraiment ne pas sortir du groupe, la Belgique? Oh non. Non, ils vont sortir. Ils vont sortir du groupe, mais contre l'Irlande, ce sera décisif. Oui. S'ils n'arrivent pas à gagner contre l'Irlande, après aller se taper une Suède qui est entre guillemets éliminée, qui a plus rien à perdre, avec les adieux de Zlatan, bon courage. C'est clair. On va essayer d'accélérer. J'aime bien plus quand ils disaient c'est les mêmes équipes, par rapport à ce que tu disais au début aussi. Ouais. Deschamps, c'est pas Wilmots non plus, quoi. J'ai l'impression que Deschamps, il est capable de sortir le meilleur de ses joueurs au meilleur moment. Wilmots, je crois qu'il n'en est pas capable. C'est possible. Oui, il est capable de pas grand chose, je comprends pas qu'un mec comme Mertens et en club d'ailleurs pareil. Il a été quand même assez remuant, Mertens. Ah mais il a été excellent. D'accord, je crois que tu voulais dire qu'il était. Mertens c'est un mec que je vois titulaire, je suis désolé. En 30 minutes, il a fait mieux que tous les attaquants pendant tout le reste du match. Tous les autres. Je veux dire sortir De Bruyne à la mi-temps ou à la 60e pour faire rentrer Mertens, Ça aurait été, voilà, moi, pour moi, s'il veut faire quelque chose, Conquerland, se rassurer, machin, tu mets Mertens, tu viens De Bruyne. Ce que va faire ce soir Deschamps avec Pogba et Griezmann, apparemment, ça serait logique. Tout simplement. On va s'accélérer un petit peu parce que le podcast se rallonge. Du coup, juste pour revenir sur l'Italie, moi, c'est l'équipe que je supporte. J'étais, comme tout le monde, un petit peu inquiet suite à la blessure de Verratti et à l'annonce des 23 de Conte, où il a quand même pris beaucoup de joueurs de Serie A et pas les plus connus. Mmh. Tout derrière, en espérant quand même, en disant, mais là, plus personne ne les attend. Pour une fois, il a vraiment pris une équipe de joueurs de club, il a pris une équipe de joueurs de football, une équipe unie, de joueurs vraiment qui vont s'arracher sur la balle. Et moi, j'ai vraiment été fou du match qu'ils ont fait, parce qu'au final, ils ont montré vraiment une solidité. Alors, d'une défensive, la triplette Bonucci-Barzagli-Chiellini a été extraordinaire. De Rossi, par contre, on l'a pas vu du tout. De Rossi était totalement invisible. Sur les deux ailes, Darmian et... Et qu'est-ce qu'il joue à droite déjà sur le site? Kandreva. C'est Kandreva qui l'a mis sur l'aile. D'accord. Il y avait Kandreva, ouais. Parce que Gacchierini. C'était Gacchierini qui était au milieu, et après il y avait, il était au milieu, d'accord. Moi, j'ai jamais vu Parolo. Et Parolo, donc, qui a été assez solide, même si on était très discret, était très solide. J'ai trouvé, déjà, Darmian à gauche, extraordinaire par rapport à la saison assez moyenne qu'il a fait à Manchester à droite. Kandreva, qui est quand même pas son poste de jouer toute l'aile en une défense à trois, a quand même été très remuant et... Ouais, était excellent. Et vraiment excellent. Gacchierini, qui ressort dans de ses ou, a été super bon aussi. Non, vraiment, il y a juste l'attaque. Eder, je trouve vraiment en dessous de tout. Autant Pelé, il fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire, le pivot, il a de la tête qui a des centres et il pèse. Autant Eder, j'ai vraiment trouvé en dessous. Mais bon. Et Eder, en fait, je trouve, enfin, moi, j'ai senti que, on voit qu'il est limité, mais je trouve qu'il lésine pas sur l'effort. Il a la grinta, ouais, vraiment. Ouais, il essaie de proposer du jeu, il fait ce qu'il peut, je trouve. C'est pas ça va encore. Mais, le meilleur joueur du, enfin, celui que j'ai vraiment préféré ce match-là, c'est Kandreva, quoi. Sur son côté, il a été extrêmement bon. Kandreva était énorme. Ça me fait mal de le dire pour un joueur de la Lazio, mais il a été vraiment énorme. Extrêmement, mais je pense que techniquement, c'est le meilleur joueur de l'Italie actuellement, dans les 23, largement. Et on se rend compte, en fait, alors même avec un Verratti, ça va être encore plus meilleur dans les transmissions. Et en fait, la folie qu'on perd avec Verratti, on l'a vraiment gagné elle a vraiment été gagnée en assurance et en sérieux avec ses joueurs. Et ils ont vraiment tout donné. Comme si personne ne les attendait, ils ont vraiment tout donné. Et je trouve que c'est de bon augure parce que ça peut vraiment donner du baume pour la suite de la compétition. Là, ils vont jouer contre la Suède vendredi. Il y a vraiment un coup à jouer. Il y a les 6 points à aller chercher parce que la Suède sont vraiment en dessous. Maintenant, le problème, c'est qu'ils sont attendus, forcément, parce qu'ils ont quand même fait un coup d'éclat en battant la Belgique. On va voir. Mais est-ce que pour vous, l'Italie, est-ce que c'est devenu un des favoris en un seul match là? Après, je pense que comme tu l'as dit, on leur a tellement dit l'équipe d'Italie la plus faible de tous les temps ou je sais pas quoi que justement ils ont après un jeu beaucoup plus collectif, beaucoup plus les uns pour les autres et ça peut marcher vraiment, ça peut, oui, pour moi maintenant faudra voir dans la durée, mais je pense qu'ils sont parmi les favoris. Mais de toute façon l'Italie c'est la l'équipe qu'on attend jamais, oui, mais qui est toujours là en fait, c'est ça. Bien sûr. On les attend jamais, on est toujours, ouais, cette année ils sont pas bien, machin et tout, et ils sont toujours là, quoi, toujours là. Comme ça, c'est toujours la lucarne de la France, hein, qu'on a, c'est la rivalité qui a signé le niveau de la France, c'est que on veut pas en parler, on veut pas se dire qu'il y a l'Italie à côté, mais il y a un peu moins cette image de là dans d'autres pays autour. Moi je dis attention, parce que justement j'ai peur de l'effet inverse, c'est que d'habitude ils se réveillaient beaucoup plus tard dans la compétition, ils étaient mauvais. Ils étaient attendus plus haut, du coup c'était logique, personne n'en parlait trop, ils gagnaient les matchs de poule, et ils se réveillaient plus tard, et là ils commençaient à créer l'exploit, et c'est comme ça qu'ils sont arrivés en finale, et qu'ils ont fait de bonnes performances. Là, en battant la Belgique, ils viennent de se coller une étiquette limite favori, quoi. Enfin, c'est les gens en parlent limite comme des favoris maintenant. Et ouais, moi, faut faire attention. Le match contre la Suède va être... Clairement, j'ai peur pour eux. Moi, clairement, j'ai peur pour eux. C'est dommage. Je les ai trouvés excellents contre la Belgique, mais ils ont gagné finalement tactiquement, et voilà. Le reste, est-ce qu'ils vont pouvoir être autant à fond sur tous les matchs? On va voir. Après, pour l'instant, ils tombent sur un groupe où la Suède et l'Irlande, je pense, sont largement passables. Je pense qu'ils peuvent facilement finir deuxième, voire premier du groupe. Ils finiront premier. Après, c'est sûr que moi, ce que je leur souhaite pas, c'est de tomber contre l'Espagne en huitième, parce que ça va être très compliqué. L'Espagne sont trop malins. Ils sont trop, c'est toujours très compliqué contre l'Espagne. Après, si l'Espagne termine première, ça sera la Croatie, ce qui peut être intéressant aussi. Oui. On verra. En tout cas, ça va être. En tout cas, si l'Italie se montre en tant que favori, ils vont avoir un circuit assez compliqué. Mais ils ont un, ouais. Ils ont un bon vent, hein, Immobilier. Bah, il m'a fait forte impression, hein, quand même, sur le temps qu'il a joué. Non, non, mais c'est vrai. Tu le prononces comment, le nom de l'attaquant, Graziano Pelé? Pelé. Pelé, ouais. Bah, si vous avez un coup de moins bien, je vous invite à aller voir la compagne de Graziano Pelé. Vous verrez, c'est vraiment beaucoup mieux. Du coup, je n'ai pas donné les scores, mais l'Irlande a fait de coups un partout, vu que la Suède, un but de Houlahan, a contrebalancé, ensuite suivi par un contre son camp de Tjaran Clark, qui, sur un centre d'Ibrahimovic, la seule fait intéressante du match d'Ibrahimovic sur la Suède, et la Belgique, du coup, a perdu contre l'Italie, un but de Diacherini à la 32e, avec une ouverture somptueuse de Bonucci, et un but en toute fin de match par Graziano Pelé, qui a scellé le score. Du coup, au niveau du groupe, on a l'Italie seul premier du groupe avec 3 points. L'Irlande et la Suède avec un point pour leur match nul et la Belgique dernière avec 0 point. Vendredi et samedi, il y aura Italie, Suède et Belgique, Irlande. Donc voilà, l'Italie va devoir vraiment confirmer contre la Suède que c'est pas qu'un feu de paille qui peut exploser sur un match, et je crois que la Belgique va vraiment devoir montrer son niveau de pseudo favori contre l'Irlande. Ça va être vraiment pas être facile face à une équipe qui se bat et qui compense un déficit technique par un engagement à toute épreuve. Vos pronostics pour Italie-Suède et Belgique-Irlande, messieurs? Italie-Suède 1-0, je pense que ça va être... voilà, même, j'irais, un but en fin de match de l'Italie. Et la Belgique, bon, il faut quand même qu'il se réveille, allez, 2-1, parce que l'Irlande, sur un... Voilà, en contre, il peut en faire marquer un aussi, donc ouais. Voilà. À vous, les autres. Moi, je vais dire match nul pour l'Italie face à la Suède. Alors, après, le score... Je vais dire 1 pour qu'on voit au début, même si je sens bien un petit 0-0. Et match nul aussi, pour le deuxième. Ouais. L'Irlande va être accrocheuse. Je suis pas sûr que la Belgique soit remis vraiment de ses démons internes. Donc match nul aussi, 1-1, pareil. Ça t'y va. 2-0 pour les Italiens. Ouais. Et 1-0 pour la Belgique, mais vraiment un match... C'est gagné 1-0, mais c'est pas rassurant du tout, quoi. Matt. Alors, moi, je vais dire, 2 victoires, 2-1 pour la Belgique et pour l'Italie, mais pas les mêmes matchs. L'Italie, facile 2-0, et puis après, les Suédois marquent en compte. Enfin, pas en compte, mais voilà. La Belgique, je vois un match très difficile et vraiment une victoire à l'arraché, quoi. Ça va encore être laborieux, je pense. Ouais. Moi, je pense que l'Italie va assurer contre la Suède sans être extraordinaire, parce que la Suède va les attendre vraiment en même temps. La Suède va falloir qu'ils ont déjà un point, donc ils se disent peut-être qu'ils peuvent être passés dans les meilleurs troisièmes, et mais en même temps pas forcément vouloir attendre le match de la Belgique pour se bouger le cul. Peut-être un 1-0 ou un 2-1 pour l'Italie, un truc avec une Suède quand même qui se bouge. Et Belgique-Irlande, c'est compliqué. J'aimerais bien voir les Belges quand même se rebeller. C'est quand même beaucoup de joueurs que j'aime bien, mais l'Irlande peut-être en arrivant avec du fighting spirit à tenir, aller un partout, on va dire, pour le spectacle, hein, pour tout ça. On va enchaîner avec le dernier groupe avant qu'on puisse tous aller voir la suite de Roumanie-Suisse, que la Roumanie mène 1-0. Avec le dernier groupe de la compétition, le groupe F, qui est le groupe du Portugal, de l'Islande, de l'Autriche et de la Hongrie. Donc normalement un boulevard pour le Portugal pour aller finir premier son groupe. Et pourtant, le Portugal a fait un partout contre l'Islande, un résultat assez immérité face aux efforts des Portugais pour essayer de marquer. Un hold-up total quand même pour l'Islande, qui a quand même pas montré grand-chose, il y a quand même plus grand monde en Islande. Et un Autriche-Hongrie étonnant avec un 2-0 de la Hongrie face à l'Autriche, début de Zalaï et de Stieber. On voyait vraiment tous le Portugal, je pense, assez facile dans ce groupe. Est-ce que ce 1 partout contre l'Islande, c'est juste un faux pas, c'est quand même pas de moule et qu'ils vont vraiment se réveiller pour la suite? J'ai les preuves de mes SMS, mais j'étais persuadé qu'ils allaient faire match nul. Pour moi, c'est absolument pas une surprise, dans le sens où le Portugal a toujours eu du mal en poule. Ils ont jamais sorti facilement des poules avec 9 points, c'est toujours passé limite. Après, ils vont mieux, bizarrement, dans les phases à élimination directe, je trouve. Mais voilà, pour moi, c'est pas une surprise. Le Portugal va galérer, ils sont encore capables de faire au moins un match nul contre l'Hongrie ou l'Autriche. Voilà, pour moi, ils vont passer, mais en galérant, comme d'hab, quoi. Je suis pas pour les Portugais, parce que, en dehors de la dernière Coupe du Monde, tu peux remonter à très loin. C'est une équipe qui va toujours assez loin, quand même, dans les compétitions. C'est bon, c'est un faux pas de début de tournoi, mais ça passera les poules et ça ira. Après un faux pas, ça a quand même été, ça aurait été dur de faire encore mieux, quoi. C'est peut-être juste en juste péché dans la finition, parce qu'après faire un match avec 20, avec 10 tirs cadrés, avec 66% de possession de balle, avec plus de 500 passes réussies, c'est quand même, ils ont quand même fait leur match. Il y a un moment où c'est quand même dur de faire mieux. Ils ont fait le match. Ils ont péché devant, quoi. Bah derrière aussi, parce que Virina, il y a, c'est pas un défenseur. Bah après c'est pas un défenseur, encore une fois, c'est pas un défenseur, quoi. On peut pas le blâmer, on peut pas entièrement le blâmer. Oui, il fait une faute défensive, mais en même temps, le mec c'est un ailier à la base, donc forcément il a pas l'instinct défensif, quoi. Du coup le Portugal, oui, vous les voyez sortir quand même facilement, vous les voyez sortir de la poule assez facilement, non? Je vais pas sortir de la poule, mais je pense que ça va être laborieux jusqu'au 8e en fait. Ouais, et après petit à petit ils vont commencer à aller mieux. Mais oui, sortir. Oui, voilà, c'est surtout ça. Le groupe est quand même très faible. Ouais, je pense qu'ils vont passer aussi, mais clairement dans la finition, il va falloir qu'ils s'améliorent, quoi, parce que voilà, c'est, ils ont quand même 9 tirs cadrés, ils en mettent qu'un seul, quoi. C'est, alors le gardien islandais a été très bon, c'est clair, il est sorti des arrêts, mais sur le soit Ronaldo ou Nani, qui se bouge un peu. Bah après c'est pas spécialement inquiétant, enfin c'est Ronaldo qui s'est chié sur la finition, mais bon, c'est comme c'est un joueur de classe mondiale, il peut rectifier le tir assez rapidement, quoi. C'est le problème que je vois du Portugal, en fait, c'est que c'est Ronaldo, et puis il y a beaucoup d'autres joueurs de talent et qui sont comme happés par faut que ça soit Ronaldo qui soit à la finition, faut que ça soit Ronaldo qui marque, mais qu'il soit dans le... C'est pareil dans... partout, quand t'as un joueur de classe mondiale comme lui, t'es forcément obligé d'avoir une dépendance. Je suis pas forcément d'accord. Que tu sois dépendant à ce point-là, je trouve ça dommage, parce que contrairement à la Suède, où c'est faible, où eux, ils sont dépendants d'Ibrahimovic, mais un peu contre leur gré, parce qu'il y a personne d'autre qui fera, Nani, Quaresma, ça joue quand même. Ça joue, mais ça reste des joueurs qui passent. Moi, si on fait un parallèle par rapport au Pays de Galles, où pour le coup, ça joue vraiment pour Bale, mais où ça marche, je pense qu'il y a quand même un truc à faire. Il y a un moment où... Je sais pas, quand t'as une star comme Cristiano Ronaldo, est-ce que tu t'en sers pas au mieux possible, de toute façon? Oui, mais le mieux possible, je suis pas sûr que ça soit basé le jeu sur lui. Ouais, mais le but, il vient pas de lui, hein. Ouais, après, comme dit, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Déjà, il arrive à chaque fois cramé quand même. Il sort d'une saison de 60 matchs, voire plus. Donc, je pense que c'est bien d'avoir Ronaldo, mais faut pas tout miser sur lui, quoi. Faut essayer de l'intégrer au collectif. Après, est-ce que lui est d'accord pour pas être la star, machin truc? Mais je pense que c'est mieux de l'intégrer plutôt que tout miser sur Ronaldo, quoi. Mais après moi je suis pas forcément fan de mettre Ronaldo et Nani en attaquant de pointe, quoi. Enfin, pour moi c'est pas des attaquants de pointe, quoi, les deux. Donc, ouais, c'est qu'au Portugal, ouais, c'est le même point de vue, ils ont l'idée aussi, donc ouais, c'est un peu dégueu. Bah moi je serais plus d'avis à jouer avec une seule pointe, à mettre Ronaldo seul en pointe pour le coup, et à mettre vraiment des ailiers sur les côtés, mais des ailiers qui vont arriver vraiment à recentrer des ordres d'attaquanteurs, qui vont pouvoir jouer avec lui dans un petit périmètre, parce que Ronaldo tu vas pas lui mettre des ballons sur la tête, c'est pas le but du jeu, c'est même si c'est faire, c'est pas intéressant, quoi. Le jeu c'est quand même de jouer dans les pieds, de se servir de sa vitesse et Après, on a quand même des Islandais qui ont quand même joué à 10 derrière tout le long du match. C'était l'Islande, on s'entendait pendant plus avoir du tiki-taka non plus, mais c'était pas un match facile tout simplement pour le Portugal, parce qu'en face, les Islandais, ils n'ont pas grand-chose à espérer. Ils ont juste joué leur va-tout en essayant de défendre et de contrer comme ils pouvaient, quoi. Après, ils ont très bien joué. Le dispositif, il est bon. J'étais un peu surpris du dispositif portugais et je me demandais ce que ça allait donner. Au final, c'est pas si mal que ça. Il y a quand même des bons joueurs. Le milieu de terrain, je le trouve quand même assez solide. Hein. Gomes, Pereira et Moutinho, c'est pas trop mal. La défense, le seul problème en gros, c'est Vérinha. Le Patricio, bon, il fait le travail. En attaque, Nani, il fait quand même le travail. C'est pas. Enfin, le système m'a surpris. Je trouve que ça a bien combiné, que ça a bien joué. Et vraiment, c'est un match nul parce que problème à la finition et parce que l'Islande a bien bétonné, quoi. Simplement. Est-ce que vous voulez l'Islande sortir du groupe? Ça va être compliqué pour eux quand même. Ah non, moi je les vois, franchement. Non. Pour moi, c'est eux qui finiront deuxième du groupe. Ouais. Derrière le Portugal. Je crois qu'ils ont terminé premiers en qualif quand même. Hein, de leur bien groupe, sûr. Hein, ouais, mais bon, du coup. Mais par rapport au match qu'il y a eu entre la Hongrie et l'Autriche, on voyait quand même plus l'Autriche avec notamment Alaba et Arnautovic. Et l'Hongrie. Les Hongrois ont quand même été ultra solides. Ils ont quand même largement, mais ils ont quand même dominé leur match. Ils ont quand même beaucoup d'occasions. Est-ce que les Hongrois, faut pas compter sur eux finalement, parce qu'ils ont quand même 3 points déjà. Ils vont finir par affronter l'Islande. Ouais, comme les Hongrois. Les Hongrois se sont mis très bien, hein, pour moi. Je pense que voilà, tout simplement, en gagnant ce match contre l'Autriche, ils se sont offert le droit d'aller en huitième. Hein. Bah, tout simplement. Voilà. Parce qu'ils gagneront contre l'Islande, je pense que, enfin, ils gagneront, ils font match nul. Même si, même s'ils font match nul, ils seront meilleurs troisième, voilà. Parce que troisième à 4 points, il n'y aura pas beaucoup, donc, je pense qu'ils... ils ont gagné, eux, ils ont déjà réussi leur euro, hein, clairement, hein. Et l'Autriche, au contraire, est peut-être en train de le rater totalement. Après, moi, j'attendais pas grand chose de cette équipe d'Autriche. Non, clairement. Voilà, je pense que c'est pas une équipe. Bon, mais on l'avait présenté comme ultra favorite comme son contre son match contre l'Hongrie. Un bon outsider en fait, parce que t'as quand même des mecs comme Alaba qui du coup joue plus au milieu, des mecs comme Dragovic qui sont censés être prometteurs, ou Arnautovic qui sont censés mener le jeu. Et au final, ils ont quand même pas mal déçu parce qu'ils ont peut-être pas forcément trouvé, et que peut-être que les autres joueurs sont peut-être un petit peu en dessous de ces. Ouais, Arnautovic, c'est une tête de con quand même. C'est une grosse tête de con, ouais. C'est une grosse tête de con. Bah, s'il a marché quasiment nulle part, c'est pas pour rien. Il ruine le jeu de son équipe pour, il est pris parce que, intrinsèquement, au niveau talent, tu trouves pas grand chose en Autriche, mais voilà. je suis sûr qu'il pourrait y gagner à pas le prendre, quoi. Est-ce que la surprise serait que l'Autriche ne passe pas en huitième? C'est plus une surprise maintenant. C'est pas une surprise. Ouais. Pour la même, parce que comme dit, c'est vraiment un groupe, très éclectique. Et, voilà, objectivement, sur les trois, avant le début de l'euro, j'aurais pas pu dire un tel va pas passer. Mmh. Maintenant, effectivement, l'Autriche, en ayant perdu contre la Hongrie, voilà. Et d'ailleurs, l'Autriche joue contre le Portugal samedi, il y a moyen qu'il finisse à zéro encore. Sans le Portugal, il va falloir qu'il gagne ce match-là, de toute façon, c'est pas compliqué. Ouais, donc, le Portugal, s'ils veulent finir premier, sans avoir trop peur, il faut absolument qu'ils gagnent celui-là. Ouais, sans Dragovic, ça va être dur. Donc l'Autriche, moi, c'est mis très mal. Hein. Vu comme en plus les matchs s'enchaînent, du fait de jouer contre le Portugal, qui en plus n'a pas gagné contre l'Islande, donc a besoin de prendre des points, l'Autriche va se retrouver à 0 points au bout de la deuxième journée. Et voilà, hein, faudra un miracle pour qu'ils s'en sortent, quoi. Bah ouais. Bon, après, ils sont peut-être plus à l'aise justement sans être les favoris de ce match. Peut-être que ça leur réussira mieux que. Peut-être. Où ils étaient les favoris. Peut-être, mais je vois pas là, parce que sinon ça veut dire une grosse surprise et le Portugal qui se retrouve très mal aussi, quoi. Oui. Façon, donc là, ça veut dire. Moi, je les vois pas faire la surprise contre le Portugal. Je les vois pas non plus. Moi non plus. Hein. Je pense que ça va être très compliqué en plus ici. Dragovic sera pas là. Arnautovic, de toute façon, c'est un gros con et de toute façon, il fera rien dans ce match-là comme d'habitude. Max, il s'est fait un peu là, je crois. Mais donc, en tout cas, Islande-Hongrie, des plutôt bonnes surprises sur ce groupe-là, en tout cas, des équipes qu'on attendait pas du tout. Ouais, bah, voilà. L'Islande, j'avais même parié qu'ils gagneraient contre le Portugal. Moi, j'avais dit nul, ouais, mais pour moi, c'est pas une totale surprise. C'est pas une totale surprise, c'est une équipe qui a beaucoup de cœur. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'équipe, c'est celles qui m'ont le plus emballé depuis le début, beaucoup de cœur, très limité, mais voilà, ils jouaient avec leurs armes, et moi, je trouve qu'ils ont fait le match parfait. D'ailleurs, une petite statistique que j'ai vue. Il y a 30 000 Islandais qui ont fait le déplacement en France. Il y a 300 000 habitants en Islande. Ouais, c'est ça, il y a toute la population. C'est juste incroyable, quoi. C'est ouf. Et puis, en plus, c'est une bonne ambiance. Enfin, moi, du coup, ils étaient à Saint-Té, là, et c'est sympa. Après, de là, parler de bonnes surprises, enfin, bon, ils ont bétonné, ils ont pris sur un contre, quoi. Je sais pas si on peut toujours parler d'une surprise quand on voit des matchs comme ça. Bah c'est clair, de toute façon ils ont pas perdu, ils ont pas perdu. Contre la Hongrie, ça va être différent parce que les Hongrois c'est quand même moins le jeu vers l'avant. Du coup les Islandais, mine de rien, va peut-être falloir qu'ils, je sais pas s'ils vont encore chercher le nul, mais attention, les Hongrois ont quand même montré qu'ils pouvaient jouer au ballon aussi. J'espère que les Islandais vont pas balancer, parce que se priver de Sigurdsson et de Gunnarsson au milieu, ce serait quand même triste. Surtout Sigurdsson qui est un 10 formidable. Pour le coup, ouais. Et la Hongrie quand même qui a le joueur le plus vieux de l'euro, hein. C'est le gardien. Kirali, ouais. Le seul gardien, ouais. Qui joue en jogging, quand même. Qui joue en pyjama. Ah ouais, c'était horrible. Ah, par contre, ça, c'est une faute de goût, mais horrible, c'est. Et qui a été excellent, mais c'est pas possible, faut lui envoyer quelqu'un. Je pense qu'on va se cotiser, on va faire une collecte sur Unitis et on va lui acheter un short, un truc sympa, tu sais, parce que c'est pas possible. Allez, on va clore rapidement avec vos pronostics pour Islande, Hongrie et Portugal, Autriche pour la deuxième journée samedi 18 juin. Allez, on se lance. Allez, Islande, Hongrie, je vais me dire 1-0 pour la Hongrie. Parce que l'Islande va bétonner comme d'habitude, donc voilà. C'est ça, j'allais dire, l'Islande, il termine quand même en qualif devant la Turquie et les Pays-Bas, hein. Donc c'est pas non plus une surprise. Et pour Portugal-Autriche, ouais, je vais quand même mettre le Portugal, allez, 1-0 et but de CR7. Après, les qualifs, c'est différent, parce que ils ont quand même joué, t'as des matchs à domicile, et je pense que jouer à distance, ça doit pas être facile. Ça va être chiant, ouais. Ensuite, on se lance. Moi, je vois bien, 1-1 entre, un partout entre l'Islande et la Hongrie, et 2-0 pour les Portugais. Ouais, bah, je vois exactement pareil, il y a un partout contre l'Islande-Hongrie, 2-0 pour le Portugal. En chaque, Matt? Moi, je vais partir sur 1-1 aussi, et les Portugais, je les vois faire un gros carton, 3 ou 4-0, contre l'Autriche. Mais plus de la faute de l'Autriche que finalement le Portugal intrinsèquement. Voilà. Moi, je vois un petit 2-1 pour le Portugal, et 1-0 pour l'Islande. Ouais. Contre la Hongrie. Ça va être intéressant. Et du coup, voilà. Donc, je rappelle juste le classement de ce groupe F. La Hongrie est première avec 3 points suite à sa victoire contre l'Autriche. L'Islande et le Portugal sont deuxième avec 1 point. Et l'Autriche clôt la marche avec 0 point. Ben, je pense qu'on a fait le tour de tout ça. Est-ce que vous avez un truc à rajouter par rapport à cette première journée de l'Euro? Deux trucs à rajouter. Vas-y, le prochain podcast, ça sera sûrement dimanche. Et du coup, s'il y en a qui veulent venir participer au podcast pour la deuxième journée, n'hésitez pas. Hein. On accepte tout le monde. Aujourd'hui, c'était la première de recherche, je crois. Et donc, voilà, accepte tout le monde. N'hésitez pas. Des beaux buts. Oui. Il faut revenir. Il y avait même des beaux buts. Il y en a pour l'instant. Non, il y en a. Pour l'instant, franchement. Beaucoup de buts sur l'Allemagne, Pologne et le Portugal, Autriche. Bon, bah, juste, moi, je finirai ce soir. C'était bien sympa, du coup, le podcast. Voilà. Et puis, ce soir, bah, je pense on peut souhaiter un joli match. J'espère que l'Albanie va pas trop bétonner. Espérons. Ouais. Bah après, ouais, s'ils veulent faire quelque chose, il va falloir qu'ils se fassent quelque chose, quoi. Enfin, voilà. Disons qu'avec le résultat match, en plus qui est en train de se dessiner dans l'autre match, la Roumanie mène toujours 1-0. Il faut qu'ils jouent. Il faut qu'ils jouent. Ils sont obligés parce que sinon ils se mettent en grosse difficulté. Donc je pense que ce soir on va avoir le droit finalement à un début. Espérons. Ils vont faire le jeu, l'Albanie contre la Suisse, ils avaient déjà essayé de faire du jeu quand même, donc je pense que c'est pas le genre d'équipe qui bétonne et qui balance devant, quoi. Impeccable. Eh ben écoutez, merci à vous messieurs d'avoir participé à ce podcast. On se retrouve comme l'a dit Matt dimanche, pas forcément avec moi, je sais pas encore. On verra comment ça se passe pour le podcast de la journée, et comme il a dit, n'hésitez pas à vous manifester pour participer, c'est plus sympa qu'à des nouvelles têtes. Merci à tous. Salut, à la prochaine. À la prochaine. Salut.